C'est parti. Avec le pouvoir qui les suit, tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Assassine l'Argentine, nous survivons tous deux ensemble, tu les fous en l'air sur le port d'Anvers, mais le crime rapproche ceux qui baignent. Tout doucement, en faisant du bruit, et le temps ne saurait effacer. Le pas des amants, tous Croco, c'est Matinale ou Borborygme, l'émission qui radicalise en douceur. D'ailleurs, pas tellement en douceur parce qu'on est un peu de mauvaise humeur, pour Grave. Changer, voilà. On est toujours de mauvaise humeur, vous devez vous y attendre. Vous devez vous y attendre maintenant. Bah déjà, moi, me lever en retard comme ça, ça me met les nerfs. Je sens que le mandat que me confie le prolétariat international organisé pour porter sa parole à l'antenne est quelque peu compromis. Et les retards, ça fait chier, quoi. Ça me met les nerfs en pelote. Voilà. En plus, j'ai pas eu mon café. Et oui, pas de café. Enfin, voilà. Pas de café. Bref. Alors, Beaucoup de choses et en même temps des thématiques récurrentes à l'antenne de Radio Croco. Mais non, mais c'est pas ça. Alors, on rappelle qu'en principe, on va réintroduire progressivement le conditionnel. Le camarade et sociologue Pierre Duhart-Lefebvre devrait nous rejoindre dans une demi-heure à l'antenne pour discuter de répression policière et de militarisation de la police spécifiquement. Voilà, il était présent hier à la librairie Planetio pour discuter de son bouquin. Ah, c'est peut-être ça. Voilà. Alors, le camarade Violet ne réagit pas, donc j'en profite pour vous lire un tract que j'ai reçu ce matin dans ma boîte mail sur la question généralement du maintien de l'ordre et de la répression. Donc j'ai eu l'occasion de vous en parler dans la semaine, ça provient du collectif Ni guerre ni état de guerre, qui est un collectif essentiellement basé sur Paris, qui s'est constitué après la proclamation de l'état d'urgence, et qui en fait dans son analyse et dans ses revendications fait le lien entre la politique étrangère de l'État français, la guerre qu'il prétend mener contre le terrorisme et sa responsabilité dans le chaos du monde en tant qu'État marchand d'armes, etc., et puis un État interventionniste. Et le fait qu'en retour il se passe sur le sol de la métropole des attentats, la proclamation de l'état d'urgence, la répression du mouvement social, la stigmatisation des populations d'apparence musulmane, comme dirait Sarkozy. Voilà, donc le nouveau tract qui sera diffusé prochainement par le collectif Ni guerre ni état de guerre. Voilà, je vous le lis de ce pas. Contre qui le gouvernement est-il en guerre ? L'accroissement des pouvoirs arbitraires des patrons, loi travail, et de la police, loi Urvoas, ça suffit. Un dispositif policier considérable est déployé pour casser le mouvement exigeant le retrait de la loi travail. La répression a visé particulièrement les jeunes dans le but d'affaiblir leur mobilisation et de la couper de celle des salariés plus âgés. Elle frappe aujourd'hui durement tout le mouvement. Des milliers d'arrestations, des manifestants et des syndicalistes en prison, etc. La police déploie aujourd'hui à l'encontre du mouvement social les méthodes qu'elle pratique depuis longtemps contre la jeunesse populaire, en particulier d'origine immigrée, dans les quartiers dits sensibles. Harcèlement, contrôles incessants, provocations produisant des situations de troubles à l'ordre public et donc des arrestations. L'État vient de passer une commande exceptionnelle de munitions de défense à courte portée, entre guillemets, pour les nouveaux flashballs de 5,5 millions d'euros à l'usine Alcetex. De quoi le gouvernement a-t-il peur ? Quel est donc son ennemi ? Puis chaque jour, il affirme « Nous sommes en guerre ». Au lendemain des attentats, Valls déclarait le 19 novembre 2015 « La sécurité, c'est la première des libertés. C'est pourquoi d'autres libertés pourront être limitées. » Je rappelle une certaine citation. C'est génial. L'état d'urgence a été décrété et les manifestations interdites. Nous avons bravé l'interdiction de celle du 22 novembre en solidarité avec les réfugiés. 50 manifestants ont ensuite reçu la visite de la police, menacés de poursuites pour participation en manifestations interdites. Puis une entreprise sans précédent de stigmatisation d'une partie de la population a été organisée. Perquisitions de nuit et assignations à résidence ont visé principalement des personnes réputées musulmanes, pendant qu'une propagande raciste visant à faire peur en assimilant islam, salafisme, voile, terrorisme. Alors que tous les auteurs des attentats de janvier et de novembre étaient connus de la police, ont été photographiés, parfois arrêtés et relâchés, contre qui se déploie aujourd'hui le dispositif militaro-policier ? 3500 perquisitions et 400 assignations à résidence sans aucun résultat en matière de lutte antiterrorisme. Interdiction des manifestations au moment de la COP21. Des centaines de manifestants encerclés place de la République pendant des heures, puis conduits au poste. Et aujourd'hui, des milliers de policiers provoquant les manifestants, bastonnant et gazant les jeunes, rôdant autour des lycées, réprimant les réunions, harcelant la nuit debout, etc. Les peines de prison fermes tombent après chaque manif comme un écho à la répression de longue date contre les salariés en lutte. Les innombrables mises à pied et licenciements de syndicalistes, les 8 goudières condamnées à 24 mois de prison, dont 9 fermes pour avoir défendu leur emploi. Pendant ce temps, le gouvernement envoie en Grèce des CRS pour faire la chasse aux migrants et les entasser dans des camps. Pendant ce temps, le Parlement est en train d'adopter la loi Urvoas qui vient pérenniser l'état d'urgence. Banalisation des perquisitions de nuit, fouilles et contrôles sans retenue et sans autorisation du juge, garde à vue de 4 heures pour une simple vérification d'identité. une légitime défense des policiers sans limite. C'est-à-dire impossibilité de poursuivre en justice un policier qui a tué une personne lorsqu'il estime que peuvent se produire des actes criminels susceptibles de causer plusieurs victimes. L'état d'urgence contre le mouvement social, contre les jeunes, contre les musulmans, ça suffit. Tous dans la lutte contre la loi travail et son monde. Voilà. Alors c'est un tract qui appelle à manifester le 14 juin, prochaine grosse manif nationale, je crois. Voilà. Ouais, sacré valse. Continue à se radicaliser en douceur. Je me demande ce que Valls. Quelle est la culture politique de Valls exactement? Elle est quand même extrêmement connue, la citation que ça me rappelait. Hein. Celui qui est un peuple qui est prêt à échanger une partie de sa liberté contre un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira par perdre les deux. Elle est quand même super connue. J'ai vu la technique dit Washington. Oui, alors c'est, j'ai vu deux attributions de cette George Washington et Thomas Jefferson. Mais plus George Washington, donc du coup ça tu as probablement raison. Ouais. En tout cas voilà, c'est un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique. Et c'est une situation super connue quoi. Donc une citation pardon. Et son café, le violet s'est tué les ce fan. Triste comme un Italien quand il sait qu'il n'aura pas de femme et pas de vent. Comment ? C'est le renversement d'une citation d'une chanson en fait. Alors nous pour Nicole Croisi. Nicole Croisi. C'est dans une chanson de Nicole Croisi, toi tu es comme un Italien quand tu sais qu'il... Ah, d'accord. Voilà. On continue avec un peu de musique. Ouais, si tu veux. Pour se radicaliser en douceur. Je vais en profiter pour lancer un café, tiens. Allez, c'est parti. When I step up in the place, say yo, I step correct. Ooh-ha! Ooh-ha! You all eject. I got that head-nod shit that make you break your neck. Ooh-ha! Ooh-ha! You all eject. Then you know we come through to wreck the discotheque. I got you all eject. Throw your hands up in the air, don't ever disrespect. Ooh-ha! Ooh-ha! I got you all eject. Bust the rhymes up in the place, true indeed. Yes, I got the record, that's word on my feet. I'm guaranteed to give you what you need. One blood, everybody like Junior Reed. Wake up every morning, yo, I must succeed. Nationwide, fuck us, make the world stampede. Yo, Willie, make we roll some weed. Mad charge, nigga, now I must proceed. Yo, we about to make moves, set speed. Beast to baby, fight Q-tip, Alicia Heed. Watch me knock you out like Apollo Creed. Body blows, busting your shit, making you bleed. Just feed more dynamic flows and take heed. Need more information, homeboy, than just greed. Hey, you can't read all about the pure breed. Duty mobile, that's my duty, let my feed. When I step up in the place, then yo, I step correct. You all in check. I got that head nod shit that make you break your neck. Woo-ha! I got you all in check. And you know we come through to wreck the discotheque. Woo-ha! I got you all in check. Throw your hands up in the air and never disrespect. Woo-ha! I got you all in check. How dare you ever try to step on my suede shoes? Top gun, shut down your firm like Tom Cruise. Please, let me get down and blow a fuse. Acting fool, breaking shit down to molecules. Yo, let me hit you with my ill street blues. Bust the rhymes, always in lines, the street news. Baby girl, don't be confused. Sell my 17 and enjoy my boat cruise. I know you really wanna know who's coming through, leaving blood stains and residues. Sorry, homeboy, but your flow sound used. Got to pay your dues, baby, you know the rules. Whenever I travel the world, I land cruise. If you choose to fuck around, you get bruised. Now I got you gas on super unleaded fuse. Give me room, give me some space, your excuse. When I step up in the place, then yo, I step correct. Woo-ha! I got you all in check. I got that head nod shit that make you break your neck. Woo-ha! I got you all in check. And you know we come through to wreck the discotheque. Woo-ha! I got you all in check. Don't motherfuckers. Boy Scouts who I be, flip mode is this, squid dog, bust the rhymes, break it down like this. Yo, which motherfucker stole my flow? Eenie, meenie, miney, moe. Throw them type of niggas right out my window. Blast your ass, hit you with a direct blow. Blow, coming through like G.I. Joe. Star Wars moving ill like Han Solo. Make you bounce around like this was Calypso. Overshine cause I got the high pro glow. You think that you can hide, you think you can lay low. Roll up on your ass like Hawaii Five-O. Mac out with my dreads in my Kango. Forget the moment, nigga, just bash the Cisco. Yo, take a trip down to Mexico. Come back with that shit that might make you psycho. Maximum frequency studio stereo. Sorry, this is it, but homeboy, I got to go. I got step up in the place and yo, I step correct. Got you all in check. I got that head nod shit that make you break your neck. I got you all in check. Hey, you know we come through to like the discotheque. I got you all in check. Throw your hands up in the air and never disrespect. I got you all in check. Radio Croco soutient le boycott de Begenstein, mais aussi la destruction du capitalisme. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Croco, c'est Matinale ou Borborygme, l'émission qui radicalise en douceur. Et à l'instant, vous avez entendu le hoo-ha de Busta Rhymes, connu dans un autre contexte. Hein, le hoo-ha, c'est, il est samplé par Cut Killer dans la BO de la haine sur le fameux Nick La Police, passé des millions de fois à l'antenne de Radio Croco. C'était histoire de, d'introduire une variante. Voilà, Busta Rhymes, donc le monsieur à la grande goule. Oui alors, on me confirme que l'invité de la matinale sera bien présent. C'est génial. Voilà, c'est super. On peut de nouveau supprimer le conditionnel et respirer. Ouais. Et continuer. En attendant le café. Et continuer à se radicaliser en douceur. Alors, Racha, merci pour ta participation à chaque émission. Et encore bravo pour hier. Alors. Voilà, apparemment, les interdictions de manif pleuvent aujourd'hui à Paris. Bon, c'est pas très surprenant, mais c'était bien de le mentionner. S'il y a des sources un petit peu plus détaillées que ce tweet un peu vague qui dit « Selon nos infos, la police a commencé à distribuer des interdictions de manif. Pardon, de paraître à Paris, le 14. Ne dormez pas chez vous. » C'est le problème du tweet, quoi. Voilà. Oui, c'est pour le cas. C'est pour le 14 qu'on rappelle que sinon, aujourd'hui, il y a toujours une manifestation contre la loi travail et la répression du mouvement social à 14h. Et le lieu, quelqu'un connaît le lieu de la manif aujourd'hui? C'est Charles de Gaulle. Ok, est-ce que c'était pas précisé sur l'événement Facebook? Voilà. Et sinon, en ce moment même, il y a une distribution du West Torch, le journal parodique de nos consoeurs et confrères. Voilà, qui sera distribué place des Lys dans 5 minutes. Et alors, je vous laisse avec le professeur Violet parce que j'ai d'autres affaires. Et j'ai toujours pas bu de café, il va falloir que je tienne l'antenne. Bah, si tu veux, je peux te laisser de la lecture. Voilà. Je vais choisir une option de grosse feignasse. Je vais vous lire à trait dont je n'ai même pas pris connaissance avant. Donc, le tract est titré Appel à la constitution d'un collectif contre la criminalisation du mouvement social. Okay. Quand le gouvernement se targue d'avoir procédé à plus de 1000 arrestations depuis le début du mouvement contre la loi travail, quand à chaque journée d'action, nos villes sont systématiquement sous occupation policière, quand chacun et chacune peut être fouillé et dépouillé sur le chemin d'une manifestation même autorisée, quand les manifestants et manifestantes ne comptent plus les blessés dans leur rang, mutilation au flashball, LBD 40, oui parce que flashball en fait, il me semble qu'il n'y en a même plus des flashballs en fait, maintenant c'est que du LBD 40, LDB 40, pardon. Tir tendu de grenades lacrymo, coup de matraque. Quand les forces de police s'invitent dans les locaux syndicaux, voire les assiègent ou les saccagent. Quand la quasi-totalité des médias relaie à longueur de journée les déclarations des préfets sur la violence exacerbée des dits casseurs et autres activistes. Quand les syndicalistes, des grévistes d'Air France et de Goodyear sont condamnés à des peines de prison, quand l'État ouvre des enquêtes contre les lycéens et lycéennes et les militants et militantes pour tentative d'homicide volontaire à Nantes et à Paris et à Rennes pour mise en danger de la vie d'autrui ou association de malfaiteurs, association de malfaiteurs c'est visiblement le nouveau mot dans le jargon policier pour dire coller des autocollants, nous considérons que c'est l'ensemble du mouvement social qui est attaqué, que c'est la possibilité même de résister et de s'organiser politiquement qui est criminalisée. À l'heure où le gouvernement ne connaît comme réponse au mouvement social que la force policière et le 49-3 pour imposer ses réformes ultralibérales et sécuritaires, nous soutenons que ce n'est pas une minorité supposée suspecte qui est concernée, mais bel et bien le peuple qui est attaqué. Face à ces tentatives de faire taire toutes les voix qui s'opposent à l'ordre du monde qu'ils sont en train de mettre en place. Division du mouvement entre bons et mauvais manifestants. Mesures de l'état d'urgence appliquées contre les opposants politiques. Perquisitions, assignations à résidence et interdiction de manifester. Droit de réunion et d'assemblée remis en cause par les contrôles judiciaires très contraignants. Assimilation de l'organisation politique ou syndicale à une association de malfaiteurs qui ne connaîtra bientôt plus de limites. Nous appelons à la création d'un collectif large regroupant tous les composants du mouvement social. Un collectif qui ne succombe pas aux manipulations policières, judiciaires et médiatiques, visant à isoler et stigmatiser certains acteurs et pratiques de nos luttes. Un collectif qui prend acte de la pluralité des formes d'expression du mouvement. Un collectif qui soutienne dans l'unité tous les inculpés du mouvement, quels que soient ses chefs d'inculpation. Un collectif qui oppose une parole politique claire à la violence toujours plus décomplexée de l'État policier. Le fait que la répression prenne cette tournure à travers des chefs d'inculpation toujours plus graves à l'égard des membres du mouvement n'est pour nous que la preuve d'un gouvernement acculé. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais passons. L'effet attendu de cette criminalisation est de diviser le mouvement, d'isoler et de terroriser certains et certaines militants et militantes, pour les intimider tous et toutes, du coup, de briser tout processus tel que celui que nous amorçons ici. Par conséquent, nous affirmons que notre détermination sera sans limite à nous organiser collectivement toujours plus nombreux et plus nombreuses et plus efficacement face à la répression policière et judiciaire contre la loi travail et son monde. Voilà, et les premiers signataires donc sont l'AG Interpro, Alternative Libertaire, le comité Stop État d'urgence, la CNT, la Défense Collective, salut à eux, la Maison de la Grève, le NPA, le Parti de Gauche, le Syndicat Breton SLB et Solidaire 35. Ça fait beaucoup de signataires. Voilà, effectivement, j'ai pas résisté à dire que j'étais pas d'accord sur le fait que c'était la preuve d'un gouvernement acculé. Ils ont commencé à frapper très très très fort depuis le début du mouvement. Je crois pas que ce soit vraiment la preuve d'un gouvernement acculé. Je crois que c'est la nouvelle conception du maintien de l'ordre qui est en train de se mettre tranquillement en place. Le gouvernement, je dis pas qu'il est pas acculé, mais en tout cas c'est pas là-dessus spécialement que ça se voit, quoi. C'est vraiment la nouvelle logique du maintien de l'ordre, je pense. On va de toute façon probablement en parler tout de suite là avec notre invité de la matinale. Et l'interview de Pierre Douillard n'a pas commencé, non, je ne suis pas Pierre Douillard, je suis Gaël Violet, président directeur colonel de l'Institut de procrastinologie de Garges-Gonade. Et mon camarade Guy Eder Nalbor est allé accueillir Pierre Douillard, qui ne devrait pas tarder à rentrer dans le studio, j'imagine. Et en attendant, il m'a laissé le vilain alors que je n'ai toujours pas eu mon premier café du matin. Je suis d'une humeur exécrable. C'est une honte. Et je ne suis pas du tout assez réveillé pour savoir quoi dire. Donc je vais meubler. Oh, un meuble. Oh, une table. Oh. C'est nul. Oui, c'est nul. C'est nul, je sais, mais je ne fais pas de bon humour quand je n'ai pas eu mon café. C'est comme ça. Donc voilà. Que dit le chat? Tiens, je vais en profiter pour regarder. C'est Radio Croco, le respect des horaires, c'est un truc inconnu. C'est pas faux. Et pour une fois, c'est effectivement de notre faute, pour le coup. Voilà, on essaiera de respecter les horaires pour l'émission de ce soir. Les matinales, c'est toujours un petit peu compliqué. Et encore, moi, ça va, c'est jamais que la troisième cette semaine. Le pauvre Guy Edern, lui, c'est la sixième qu'il fait, là, d'affilée. Et probablement une septième demain. Il va être frais, le pauvre. Voilà. Je vais peut-être en profiter. En principe, c'est enregistré. Comment ça, en principe, c'est enregistré? Alors c'est pas moi, c'est probablement qu'il y a la technique vient de remarquer qu'il y avait un message Radio Croco qui disait en principe c'est enregistré. C'est pas moi, c'est probablement Guy Edern, et c'est probablement en réponse à une question sur l'émission de ce soir, parce que effectivement en principe l'émission de ce soir pour une fois devrait être enregistrée proprement en podcast. Donc ce soir 18h, Social Humour Borim, quand je dis ce soir. Donc j'imagine que ça doit être ça, mais on va demander la confirmation à Guy Edern. De toute façon, voilà, l'émission de ce soir devrait être enregistrée en podcast propre. Ça nous changera, on pourra se réécouter, on pourra se corriger, ça sera pas mal. Et oui, effectivement, ça serait génial s'il y avait un podcast de l'interview après. D'ailleurs, ça pourrait bien être ça aussi, soit dit en passant. Simplement, si c'est le cas, ça sera probablement quelqu'un sur le chat qui podcastera. Et je crois que j'entends notre invité arriver. Ce qui va me libérer d'un sacré poids. Bonjour. Effectivement, c'est notre invité de la matinale. Salut, Gaël. Et donc, on va lui laisser le temps de s'installer, quand même un petit peu. Et puis, en attendant, pendant qu'il s'installe, on va se réécouter un petit morceau de musique. Je crois que vous avez probablement compris la thématique d'aujourd'hui pour la musique. Another rapper shot down from the mouth that roared 1, 2, 3, down for the count. The result of my lyrics, oh yes, no doubt. Cold rock rap, 49er supreme is what I choose and I use. I never lose to a team, so I can go solo like a Tyson Polo. Make the five girls wanna have my photo. Run in a room, hang it on the wall, in remembrance that I rock them all. Suckers, ducks, or hump MCs who can't rock the kids, so go cut the cheese. Take this application of rhymes like these. My rap trend hot 110 degrees, so don't start facing, I'll start placing. Bet on that you'll be disgracing you and your mind from a beating from a rhyme. A time for a crime that I can't find. I show you my gun, my Uzi weighs a ton, because I'm public enemy number one. You got no rap, but you want to battle's like having a boat, but you got no paddle. Call and never pause. I say it because I don't break in stores, but I break all laws. Written while sitting all bit, not bitten. Giving me the juice that you're not getting. I'm not a law bear, so you can tell your mayor. I'm a non-stop river rock poetry slayer. I'm the rock player, the ozone layer. A battle what? Here's a Bible, starts your prayer. This word to the wise is justified. If they ask you what happens, just admit you lied. Just got caught up for going out of order. And now you serve a football team, they water. You mess with the master of words, you chump. And I wax cold tax, make sure you got your dump. You just got this, off of this mess. Sucking up MCs, you get me pissed. It's no fun being on the run, because they got me public enemy number one. Don't you know? I got a posse of a force to back me up. Watch out, we got never the match. Ambush attack on my back. Double team to get cream, so we have it so you won't get it. Wanna hear it again? We got a force. Enemies down, the L.I. circuit sound. Ain't it Chucky D, myself, and KG, Flavor, DJ Melody. Oh yes, I presume it's the tunes to make us croon, to make all the ladies swoon. But it's also the work from our direction, a gold voice section. Kicking like Bruce Lee's Chinese connection on stereo. Never ever mind, no on wax, yes, I'm talking about vinyl. They said stop freeze, I got frozen, because I'm public enemy number one. One, one, one. sleeves. My rap's red hot, 110 degrees. So don't stop pacing, I'll stop placing. Bet on that you'll be disgracing you and your mind for my beating, for my rhymes. A time for a crime that I can't find. I show you my gun, my Uzi weighs a ton, because I'm public enemy number one. You got no rap, but you want to battle's like having a boat, but you got no paddle. Call, I never pause. I say it because I don't break in stores, but I break all laws. Written while sitting all fit, not fitting. Giving me the juice that you're not getting. I'm not a law bayer, so you can tell your mayor. I'm a non-stop rhythm rock poetry sayer. I'm the rock player, the ozone layer. A battle what? Here's a Bible, start your prayer. This word to the wise is justified. If they ask you what happened, just admit you lied. You just got caught up for going out of order. And now you're serving football teams, they're water. You mess with a master word, you chump. And I wax gold tax, made sure you got dumb. You just got this, all for dismiss. Sucker dumb MCs, you get me this. There's no fun being on the run, because they got me public enemy number one. Les gendarmes mobiles, les CRS et la justice de place. On est plus chaud que les lacrymos à Radio Croco. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Croco pour Matinale ou Borborygme, l'émission qui radicalise en douceur, en compagnie, tout en douceur, en compagnie du camarade Pierre Douillard. Bonjour, Radio Croco. Bonjour Pierre, voilà. Donc ça se met en place. Pokilo enregistre également. Bah, plus on est de fou enregistré, plus on ira. Voilà. Alors, reprenons nos esprits calmement. On se radicalise en douceur, on rappelle. Bonjour Pierre. Ça va? Moi personnellement ça va. Tranquillement. Je crois que le prolétariat mondial organisé va bien également. Alors. Donc Pierre, tu étais présent hier soir à la librairie Planetio pour présenter ton bouquin L'arme à l'œil. J'étais parmi l'assistance. Bon, malheureusement, je suis arrivé un peu à la bourre, mais j'ai écouté une partie de la discussion, ce qui pourra nourrir l'émission de ce matin. Parce que j'ai des questions que j'ai pas posées hier ou des choses qu'on pourrait approfondir ensemble, notamment sur la situation rennaise. T'as fait des remarques intéressantes, j'ai trouvé. Vu que tu connais. Oui, l'éditeur, tu quoi, le bord de l'eau? Bord de l'eau, ouais. D'accord. C'est aux éditions. Vas-y. Le bord de l'eau, ok. Ouais. Question, mon ouais. Ok, ok. Bah, je vais balancer le lien ouais. sur le chat en même temps, si vous voulez jeter un œil. Donc oui, bon, on a eu l'occasion de te présenter plusieurs fois à l'antenne. On a lu un de tes entretiens dans Reporter. Normalement, si on a des auditrices et auditeurs régulières et réguliers, normalement, une bonne partie des gens devraient savoir de quoi il s'agit. Mais on va aussi partir du principe qu'il y a peut-être des nouvelles et des nouveaux. Donc on va vraiment partir à la base de tout. Tu te définis comme sociologue militant, comme militant devenu sociologue? Non, sociologue, c'est juste l'enrobage qui a été mis par l'éditeur sur le bouquin pour faire sérieux. Hein. Moi, je suis ouais, effectivement, j'ai essayé de réfléchir à partir d'abord de mon expérience, parce que j'ai reçu une balle en caoutchouc de LBD 40 en 2007. Donc depuis, j'essaye de penser les choses. D'autant plus qu'en réalité, depuis 2007, il y a eu plus de 40 personnes qui ont perdu un œil ou l'usage d'un œil avec ces armes-là. 40 personnes recensées, hein, je dis bien, donc on est sans doute largement au-delà. Parce que quand je dis 40 personnes, c'est des plaintes, plaintes qui ont été médiatisées, qui ont eu un écho, donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les ressources, par exemple, de porter plainte ou d'avoir un écho médiatique, tout simplement. Donc comme je disais, il y a eu plus de 40 cas recensés de personnes mutilées au visage et en particulier à l'œil. Et donc ça semblait devenir une urgence de réfléchir à cette question de la militarisation de la police, de la militarisation du maintien de l'ordre et des différents laboratoires du maintien de l'ordre en France. Alors ouais, justement, je vais avouer tout de suite que j'ai pas lu ton bouquin. Hein. J'en ai lu des recensions et puis on en a parlé hier. Mais ton bouquin analyse historiquement les différentes mutations de procédures de maintien de l'ordre, Enfin, tu fais toute une généalogie de tout ça. Et du coup, la phase actuelle, tu la situerais comment par rapport à... Parce que je sais que tu fais des renvois aux répressions qui se faisaient à balles réelles au début du siècle précédent, où tu fais des renvois aussi à la répression coloniale. Comment on définit la phase actuelle de maintien de l'ordre par rapport à tout ça? C'est ça, bah on assiste aujourd'hui justement à l'entrée dans une nouvelle séquence de cette question sécuritaire et de cette séquence de maintien de l'ordre, mais en réalité c'est une nouvelle séquence. Le bouquin par exemple, il commence au moment de la mort de Rémi Fraisse, parce que la mort de Rémi Fraisse, c'est un réel tournant dans la mesure où c'est la première fois qu'on tue à nouveau un manifestant depuis 1986. En 1986, c'est la mort de Malik Oussekine, hein, qui est tabassé par les voltigeurs à Paris. Donc évidemment, en 86, c'est émotion totale, c'est l'ensemble de la gauche institutionnelle et non institutionnelle qui descend dans la rue. Il y a 1 million de personnes dans la rue. Il y a le ministre de Vaquet qui démissionne. Il y a les voltigeurs qui sont supprimés directement. Et puis grosse crise politique gouvernementale. Une commission d'enquête parlementaire qui tape sérieusement sur les doigts de la police. Pasqua qui resserre un petit peu la muselière de ses chiens, etc. Gouvernement de droite. En 2014, la mort de Rémi Fraisse, elle suscite très très peu de réactions en réalité politique. L'ensemble de la gauche institutionnelle se désolidarise ouvertement des manifestations anti-violence policière. On a des responsables écologistes comme François de Rugy qui font des déclarations ouvertement hostiles à la mobilisation. On a Jean-Luc Mélenchon qui, quelques heures après qu'on ait appris qu'il y avait Rémi Fraisse qui était mort, qui déclare à propos des zadistes que c'est des clochards avinés, et dans les semaines qui suivent, les mobilisations sont très très faibles, et surtout, la différence notable, c'est que la muselière des chiens est totalement relâchée là pour le coup. C'est-à-dire que 3 jours après la mort de Rémi Fraisse, il y a une manif à Nantes où il y a des grenades de désencerclement qui sont lancées dans la manif et il y a des tirs de balles en caoutchouc qui arrivent dans le visage d'un manifestant. Hein, donc on voit que là, il y a un gouvernement qui assume totalement d'avoir provoqué ce mort. Et une réaction politique qui est absolument pas à la hauteur de la situation. Donc c'est comme ça un peu que j'introduis la réflexion. On voit qu'aujourd'hui, et donc évidemment ce qui se passe actuellement sur la loi travail et son monde, c'est dans la continuité de cette nouvelle séquence quoi, où on a un gouvernement socialiste qui assume à peu près tout et qui est prêt là manifestement à refaire un mort. Hein, quand on voit un journaliste indépendant qui a été dans un coma profond pendant 10 jours après avoir reçu un éclat de grenade de désencerclement. Là, visiblement, la question d'assumer un mort en manifestation, elle est soldée depuis Rémi Fraisse. Mais ce que je dis, c'est que cette nouvelle séquence, en réalité, les militants et le mouvement social la découvrent un petit peu, enfin la découvrent. Disons qu'elle se révèle vraiment au plus grand nombre aujourd'hui, hein, même si ça fait longtemps que les mouvements sociaux sont réprimés. Mais en réalité, si le printemps 2016, c'est un moment un peu épiphanique, un petit peu révélateur, c'est le fruit de 20 ans d'expérimentation sur certains laboratoires. Et donc en réalité, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et aujourd'hui on est rendu à plusieurs centaines de blessés à Rennes, Nantes, Paris, des blessés très graves, Jean-François qui a perdu un œil à Rennes, etc. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est le fruit d'une histoire de plus de 2 décennies de tests sur les marges et des laboratoires. Quand tu dis en laboratoire, j'ai l'impression, en écoutant par exemple Mathieu Rigouste, que en fait c'était aussi testé sur le terrain dans les cités populaires en fait, avant d'être testé sur les manifestants, et qu'en fait ce qu'on découvre maintenant, ce que les habitants du centre-ville découvrent maintenant, c'est juste ce qui se passe dans les cités. C'est exactement ça en fait. Quand je dis laboratoire, c'est un laboratoire in situ, un laboratoire à vif, directement testé sur les populations indésirables, hein, les ennemis intérieurs. Parce qu'effectivement, il y a un vrai laboratoire de la police en France. C'est un village qui s'appelle Saint-Astier, qui est en Dordogne, qui est un village fantôme où les polices du monde entier, et donc évidemment françaises, s'entraînent à retourner des voitures, à y mettre le feu, à singer des émeutes de nuit, de jour, des affrontements avec des syndicalistes, des affrontements, etc. Donc ça, c'est un vrai laboratoire, si vous voulez. Mais là, et d'ailleurs, ils ont investi sur la forêt qui est à côté de ce village-là, parce qu'ils veulent s'entraîner au nouveau terrain de conflit. Mais ça, c'est un vrai laboratoire sans guillemets. Mais dans le bouquin, là où j'aborde la question de ces laboratoires, c'est vraiment sur des populations réelles, hein, parce que Évidemment, les policiers qui font semblant d'être des émeutiers à Saint-Astier, on peut pas réellement leur tirer dans le visage, on peut pas réellement tester les propriétés de terrorisation des nouvelles armes de la police. Et donc, moi, j'ai un peu distingué trois laboratoires réels. Donc, évidemment, le premier des laboratoires, c'est les quartiers périphériques et les zones de relégation où vivent la population immigrée ou descendante d'immigrés et les populations pauvres. Ça, c'est très très clair, avec une genèse coloniale qui est très très claire, avec le déploiement des BAC, les premiers flashballs super pro qui sont lancés par Claude Guéant dans les années 90, ils sont testés en banlieue parisienne. Dès 98, il y a un père de famille qui perd un œil en banlieue parisienne dans l'indifférence totale d'un tir de flashball super pro. Hein. C'est longtemps avant qu'on découvre ça sur les mouvements sociaux. Et évidemment, toutes les techniques de maintien de l'ordre qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit le survol en hélicoptère ou en drone des manifestations, que ce soit l'encagement, la nasse des manifs, que ce soit le quadrillage un petit peu militaire, l'interdiction de zone, etc. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été testé dans les quartiers populaires et en particulier au moment des grandes révoltes de 2005 et de 2007. Donc 2005 qui est parti de Clichy-sous-Bois après la mort de Ziad Ebouna et 2007 à Villiers-le-Bel. Donc ça c'est un premier laboratoire qui est vraiment un creuset. Et donc moi j'ai un peu repéré deux autres laboratoires, je dirais. Évidemment, il y a les luttes, mais pas les grands mouvements sociaux syndicaux comme ceux qu'on connaît aujourd'hui. À la base, c'était plutôt les luttes incontrôlables, les luttes dont le récit policier médiatique faisait des luttes d'ultra gauche, radicales, etc. Donc il y a tout. Donc dans cette catégorie-là, il y a à la fois les mouvements jeunes, lycéens, qui sont pas canalisés par des syndicats, qui débordent. Qui font des manifs incontrôlables, qui portent des actions offensives, qui prennent la rue sans concertation. Donc ça dérange beaucoup. Il y a plusieurs lycéens qui ont perdu des yeux ces dernières années par des tirs de LBD. Et il y a évidemment toute la question des ZAD, hein, qui est vraiment là pour le coup un laboratoire grandeur nature immense où il y a des opérations comme l'opération César en 2012 où là c'est déploiement de plusieurs centaines, voire plus de 1000 policiers pendant un mois, avec un hélicoptère qui survole une zone en permanence, avec un quadrillage policier de la zone et surtout une utilisation vraiment massive et gigantesque des armes de la police, avec des centaines de grenades, comme on sait, GLI, OF, hein, OF celle qui a tué Rémi Fraisse, etc. Et juste le troisième laboratoire, hein, très rapidement, un peu qu'on relève, c'est tout le monde du sport marchand. Donc là, on va le voir d'ailleurs avec l'Euro 2016. Hein. Le monde des stades. Bon, le stade maintenant, c'est devenu une espèce d'arène sécuritaire, hein, avec des caméras partout. Il y a aussi eu des drones également qui ont été utilisés sur certains matchs classés à risque. Et surtout avec des dispositifs aujourd'hui dont on parle beaucoup, le dispositif d'interdit de stade. Donc, c'est-à-dire que les interdits de stade, les supporters qui sont classés ultra dangereux, etc., doivent pointer au commissariat les jours de match et au moment où il y a des matchs pour leur interdire un espace donné, c'est-à-dire celui du stade. Et donc là, on voit vraiment qu'il y a ça existe depuis les années 90 en France, hein. Et ça, maintenant, c'est une pratique qui est en train de se généraliser contre les manifestants. Et c'est d'ailleurs une revendication des syndicats policiers, quoi. Ils disent on fait ça dans les stades, pourquoi on le ferait pas sur les manifestants? Et également les techniques d'encagement et d'encerclement pour fouiller tout le monde, qui ont été beaucoup utilisées dans les stades contre les hooligans, etc., qu'on voit aujourd'hui contre les manifestants. Alors, je t'ai entendu hier parler d'État dans l'État, en parlant de la police. Tu disais que, pour résumer ce que j'ai compris de ce que tu disais hier, c'est que la police s'autonomise par rapport aux recommandations qu'elle peut avoir, par rapport aux garde-fous qui peuvent exister, d'un contrôle judiciaire de la police et de différents contre-pouvoirs qui sont censés éviter ce qu'on appelle les bavures, enfin voilà, quand les policiers outrepassent leurs droits. Tu peux développer ça? Oui, alors, mais déjà, il faut commencer par présenter un peu une toile de fond, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour parler un peu en termes comme Gramsci, il y a une hégémonie culturelle sécuritaire qui est très très claire. Aujourd'hui, pour atteindre le sommet du pouvoir, il faut préalablement avoir été ministre de l'Intérieur, hein, on pense à Nicolas Sarkozy, on pense à Manuel Valls, donc vraiment c'est devenu un poste clé. Aujourd'hui, gérer les questions de sécurité et de police, c'est essentiel. Avant, on pouvait penser que c'était plutôt le ministère de la Justice ou voilà, d'autres ministères prestigieux. Aujourd'hui, c'est la question policière qui est centrale. Hein, donc il y a vraiment une hégémonie, y compris dans les mots, une hégémonie sécuritaire et dans les médias. Et donc la police, c'est devenu un instrument extrêmement, extrêmement puissant, extrêmement central, qui s'autonomise avec des syndicats très puissants. Hein. On peut dire que les derniers syndicats qui font encore un vrai travail de défense sérieuse et opiniâtre de leurs syndiqués, c'est les syndicats policiers, hein, qui arrivent, je crois que c'est les seuls syndicats depuis 10 ans qui arrivent à obtenir de nouveaux droits et de nouvelles augmentations, hein, parce que on est quand même dans un contexte de recul généralisé et de sape du contrat social du CNR. Et les policiers, eux, ils obtiennent constamment des nouveaux droits. Là, dernièrement, d'ailleurs, il y a une prime exceptionnelle, assez gigantesque, qui a été octroyée aux policiers qui faisaient du maintien de l'ordre sur les manifs. Là, c'était il y a 2 semaines, au même moment où ils faisaient passer la loi travail au 49.3. Donc c'est une belle illustration de l'époque. Hein. Et donc ils s'autonomisent. Oui, c'est très très clair. C'est-à-dire que la police fait corps. La police fait corps pour imposer ses revendications. Par exemple, on pourrait parler de la présomption de légitime défense. C'est intéressant ça comme mot, la présomption de légitime défense. C'est déjà le cas en réalité dans les faits, mais là ils veulent que ce soit gravé dans le marbre, que ce soit une loi. C'est-à-dire pardon, qu'un policier qui a tiré sur quelqu'un, un policier qui a fait feu, par principe, il soit déclaré innocent. Pour résumer. Et donc c'est une vieille revendication qui vient d'un syndicat d'extrême droite, plus à droite qu'Alliance, hein, il y a 30 ans, qui a été repris évidemment par Alliance et par la plupart des syndicats policiers depuis. Et aujourd'hui, cette question de la présomption de légitime défense, elle a envahi l'ensemble du spectre politique. Et donc on la retrouve aussi bien portée par Bernard Cazeneuve que par Marine Le Pen, que par Jean-François Copé. C'est quelque chose maintenant qui est porté par à peu près tout le monde. Donc ils ont réussi à faire exister ce genre de revendication. Et également, tout simplement, dans un rapport de force, dans une intimidation dans la rue. On pense, par exemple, à la mort d'Amin Bentounsi, qui est tué d'une balle dans le dos au moment des élections présidentielles de 2012. Hein. Et donc, le policier qui lui a tiré dans le dos, c'est trop gros. C'est vraiment, voilà, là, c'est sûr, il a tiré dans le dos d'un fuyard. Enfin, voilà, il n'y a aucune des conditions de la légitime défense qui est réunie. Et donc, le parquet de Bobigny, le met en examen pour homicide volontaire, il me semble. Enfin, quelque chose qui relève d'un procès d'assises. Donc ça, c'est très rare. Et donc, immédiatement, des centaines de policiers forment une colonne de voitures, gyrophares allumés. Ils vont faire le tour, ils encerclent le tribunal de Bobigny. Hein, donc c'est pas rien. C'est clairement ils mettent des coups de pression. Et ensuite, ils défilent en armes sur les Champs-Élysées. Donc voilà, c'est un exemple qui est un petit peu spectaculaire, mais c'est dès qu'il y a un procès sur des questions de violence policière, ben, moi je connais par exemple les procès de personnes qui ont perdu des yeux, enfin un œil, lors de ces procès, il y a non seulement des policiers qui entourent le tribunal, mais il y a également des policiers en uniforme dans la salle venus soutenir leurs collègues, et quasiment toutes les places sont prises par ces policiers-là. Donc ça, c'est une façon de mettre sous pression la justice, et ça marche très bien. Et donc on voit que c'est la police arrive à, c'est une institution qui s'autonomise du reste de l'État et qui arrive à porter ses propres valeurs et à les imposer. Et moi ça me fait penser qu'on vit quand même dans une phase là depuis un an et demi qui est particulièrement ce qui est particulièrement flagrant depuis la phase Charlie, c'est vraiment peut-être qu'on en revient, espérons, mais cette espèce d'union nationale où on arrive à mettre des millions de gens dans la rue quand même, enfin faut quand même savoir qu'on repart de loin suite à ça, 4 millions de personnes qui défilent en soutien alors à la politique du gouvernement, qu'appelle la police à les défendre, etc., d'un ennemi intérieur. Et évidemment, comme tu disais, l'ennemi intérieur a multiples visages, hein, c'est l'ultra-gauche, c'est l'islam radical, c'est les quartiers, et c'est le croisement de tout ça, c'est une espèce de fantasme de l'islamo-gauchisme. Mais ouais, voilà, il faut quand même avoir ça à l'esprit, encore plus que dans le discours d'un syndicat comme Alliance qui manifestait il y a pas longtemps place de la République, c'est que le truc de terroriser la population, ouais, faut quand même à un moment donné bien fonctionner. Est-ce qu'on en revient à ton avis de ça en ce moment? Bah, on est dans une. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une période de crise totale extrêmement instable où on sent que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre d'un seul coup. C'est une période un peu étonnante hein, où il y a un pouvoir qui est quand même qui a jamais été aussi faible, avec un gouvernement qui est le plus détesté depuis, enfin, je pense, de la Ve République très très largement. Hein. Et donc on a du mal. L'effet Charlie, quand même, il intervient un mois après la fin un peu de l'agitation qui a suivi la mort de Rémi Fraisse, où enfin, à l'époque, la mort de Rémi Fraisse, enfin, elle ouvrait une page, elle ouvrait une séquence politique où on parlait enfin des armes de la police et on parlait des violences policières. C'est la première fois depuis des années. Et donc, il y a Charlie qui vient refermer tout ça. Charlie, là, c'est vraiment un moment assez effrayant, en fait, hein, où il y a... c'est aussi un effet de souffle, j'ai l'impression. On est une espèce de souffle totalitaire qui rappelle un peu le... Il y a eu ça un peu après le 13 novembre aussi, hein, qui rappelle un petit peu, moi, pour moi, la guerre 14-18, où il y a une union sacrée, où absolument tout le monde est uni dans la guerre contre le terrorisme, il n'y a plus aucun recul, c'est assez effrayant, quoi. Et c'est justement la population qui était dans une communion anti-Sarkozy et un petit peu anti-sécuritaire 5 ans avant, sous le quinquennat Sarkozy, là, qui communie derrière le charlisme. Mais c'est vrai que c'était assez effrayant avec des gens, y compris de gauche, hein, très à gauche, qui d'un seul coup ont... C'est le principe de la terreur, quoi, qu'on perdu totalement leur réflexe d'autodéfense intellectuelle, quoi. Et donc on l'a vu sur le 13 novembre, avec l'ensemble des parlementaires qui votent l'état d'urgence. Enfin, il n'y a jamais eu une telle unanimité depuis 14-18, hein, comme je disais, elle vote des crédits de guerre pour la guerre de 14-18 et l'union sacrée. Il n'y a jamais eu une telle unanimité, même pendant la guerre d'Algérie, même les précédentes fois où il y avait l'état d'urgence, il n'y avait pas une telle unanimité parlementaire. Donc ça fait peur de voir ça et que la machine peut d'un seul coup s'emballer contre nous. Mais d'un autre point de vue, on voit que le mouvement en cours, là, il est en train de fissurer totalement cette unité nationale et qu'il y a toute une génération qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses dans les têtes, hein, de se rendre compte de la situation actuelle, de se rendre compte des violences policières, de voir, d'en faire l'expérience, hein, aussi dans sa chair, et également en pratique avec des méthodes extrêmement vastes d'autodéfense, des façons de tenir la rue, d'occuper, d'exprimer à nouveau des désirs, de prendre conscience d'une force collective aussi, ce qui était totalement oublié depuis des années. Et donc, après, on sait pas s'il y a un autre attentat bientôt. Enfin, on sent qu'on est dans quelque chose de très instable, quoi, qui voilà, c'est très étonnant. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression que la France est vraiment polarisée, en fait. Mais, oui. Sur l'autonomisation de la police vis-à-vis du gouvernement, j'ai vraiment l'impression qu'elle a été voulue, accompagnée par les gouvernements successifs depuis un bon moment. J'ai souvenir, par exemple, alors c'était sous Sarkozy, un réseau de proxénètes avait été démantelé à Marseille, un réseau de proxénètes policiers. Des policiers qui donc ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé. Et le ministère de l'Intérieur de l'époque, donc ministre de Sarkozy, Hortefeux, voilà, avait dit qu'il fallait arrêter d'embêter les policiers et qu'il fallait s'en prendre aux vrais délinquants et aux vrais criminels. Ce qui veut dire que, dans cette logique-là, même si on est proxénète, si on est policier, on ne peut pas être criminel. C'est des termes mutuellement exclusifs. Bon, moi, personnellement, je sais que quand j'étais adolescent, le meilleur dealer de ma cité, c'était un flic des stupes. Il était super bien fourni, d'ailleurs. Mais forcément, dans cette logique, il n'est pas dealer, il est policier. Bon, après, ce qu'il fait pendant son temps libre, ça le regarde. Voilà, il peut prostituer des femmes. C'est vraiment assez consternant de voir ça, quoi. Et je me souviens pas qu'il y avait énormément de réactions. Je sais pas si vous avez vu passer cette affaire, mais il y a cet ancien commissaire nantais là qui est aujourd'hui qui a été chef du réseau de prévention anti-drogue et en fait qui chapeautait un réseau de vente de drogue inouï de plusieurs tonnes qui arrosait certains quartiers, notamment parisiens et nantais. Et je vois une remarque là de Racha Chianti, qui parle des baves de papons. Mais c'est en fait c'est l'origine très très directe de la BAC. Ouais. En réalité, ces brigades coloniales en civil qui patrouillent dans les quartiers périphériques et notamment à l'époque qui allaient défoncer des qui allait défoncer des maisons et des habitants des bidonvilles, notamment à Nanterre, et bah c'est l'affiliation quasiment immédiate de la BAC. Donc ouais, il y a clairement une empreinte coloniale sur ces brigades-là. Mmh. Et donc sur la question des policiers au-dessus des lois, moi ce que je disais, ce qu'on remarque aussi et ce que j'essaye de décrire dans le livre, c'est que souvent on dit les policiers sont au-dessus des lois, etc. Ils sont blanchis. Non, en réalité, évidemment, ils sont au-dessus des lois, ça on le sait, mais ils les écrivent. C'est ça qui est la grande différence. C'est qu'ils arrivent, comme je disais tout à l'heure, à imposer leur thématique et à faire valoir leurs prérogatives. Et aujourd'hui, avec l'état d'urgence, là, on est carrément passé à un stade au-dessus, c'est-à-dire que tout le pouvoir est confié à la police. Hein. On peut arrêter des militants fichés pour tentative d'homicide sur policiers sans aucune charge, sans aucune preuve. On peut monter des dossiers d'associations de malfaiteurs complètement délirants. Et donc ouais, c'est eux qui montent, qui écrivent le récit médiatico-politique. Hein, c'est la police, et c'est eux du coup qui parviennent à écrire les lois. Hein, les dispositions qui ont été réécrites là sur l'état d'urgence, c'est un transfert de puissance de l'appareil judiciaire à l'appareil policier, très très clair, et notamment aux services de renseignement, quoi, qui peuvent décider qui a le droit d'aller en manif, qui peuvent décider sur une simple injonction qui on va arrêter, qui on va jeter en prison. Pour tentative d'homicide sur policier, donc là on est dans une dimension qui est totalement nouvelle. Là c'est Tarnac x10, c'est-à-dire que c'est des gens qui risquent des procès d'assises et de la prison à perpétuité. Hein, on a vu à Nantes aussi ce lycéen qui a mis un croche-patte à un flic, pareil, tentative d'homicide. Donc voilà, on est dans quelque chose d'assez effrayant là-dessus. Ouais, ça, c'est... Oui, alors justement, si on prend un petit peu de recul sur tout ça, le... Il y a beaucoup de controverses hein, au sein des personnes qui se mobilisent. Certains espèrent voir la police baisser les armes et rejoindre les manifestants, etc. On est dans... Oh non. Ouais, la position blanquiste, léniniste un peu. Mais, oui. Il faudrait situer les choses un peu. Le jingle du prolétariat mondial organisé parlait de justice de classe, mais en vérité, à quoi sert la police, quoi? Enfin, sans parler de ces différentes modalités, plus ou moins qui frappent plus ou moins la chair, etc. On voit qu'il y a plein de manières d'opérer pour la police, mais à quoi sert la police? Bah là, on remonte. Là, le bouquin, c'est un petit essai qui passe en revue des trucs très factuels, hein, puisque c'est très court. Après, là, on peut partir sur de la philosophie politique. Hein. Foucault, il disait déjà que la justice était au service de la police, hein, puisque c'est fondamentalement c'est ça. Depuis Louis XIV et depuis la période des modernes, c'est la police, elle sert à cimenter un ordre, et donc autant, ben on va parler d'Azan, hein, qui est fasciné par les. Éric Azan qui est fasciné par un peu les forces de répression et les forces de l'ordre. Autant il y a pu avoir une armée républicaine, une armée de gauche, hein, qui pouvait baisser, lever la crosse et soutenir certaines insurrections républicaines et patriotes, etc., hein, au 19e siècle. Autant la police a toujours fait son travail de police, c'est-à-dire garantir l'ordre économique et politique, hein, toujours. Et donc c'est pour ça qu'il y a une continuité très très directe. On pense à Fouché, hein, l'inventeur de la police moderne, qui a été chef des flics sous la Révolution, sous l'Empire, sous la Restauration. Il a continué son travail, c'est vraiment l'inventeur de la police moderne. Hein. Il a réprimé les opposants sous trois régimes différents et il l'a fait très bien. On pense évidemment aux policiers qui ont continué tranquillement leur travail pendant l'occupation, puis ensuite qui ont troqué délicatement la Francisque de Pétain pour une petite croix de Lorraine de Gaulle à la Libération, quoi, discrètement. Mais c'est très clair, la police, il y a une continuité toujours, c'est garantir l'ordre économique et politique, ça c'est... Bah, le fait est que, pour revenir sous Louis XIV, les opérations policières sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas de corps de police, c'était l'armée. Et Azan, l'exemple qu'il prend dans son article, autant que je me souvienne, c'est la Bastille. C'est les forces de l'ordre de la Bastille qui décident de ne pas tirer sur la foule malgré les ordres. Seulement, voilà. Oui, d'ailleurs, qui finissent la tête coupée. Seulement, voilà. Ce que Azan, qui pourtant est autoproclamé fin connaisseur de la Révolution française, Donc fin d'ignorer probablement du coup, c'est que ce qu'il y avait en face à ce moment-là, c'était une armée. La police, elle a été créée en tant que telle, en tant que corps constitué au 19e siècle, justement. Cocorico, hein. Cocorico. Non mais on est quand même fort en France hein, pour la police. Hein. La police criminelle, c'est une invention française. Enfin voilà. Donc, elle a été créée en allant ratisser du côté de la pègre. Donc c'est vraiment. Debord disait dans les commentaires sur la Société du spectacle que on ne comprenait rien ni à l'État ni à la mafia en les opposant. Et de fait, dans le cas de la police, c'est une évidence. C'est vraiment, voilà, on est allé recruter des nervis de la pègre pour former un corps de maintien de l'ordre. Bah, l'État, c'est une mafia qui a réussi. Enfin, ça, voilà, c'est ça. Pour parler un peu en slogan. Tout à fait, mais c'est parfois pratique. C'est parfois pratique un slogan. Tu voulais dire. Un petit peu de musique, c'est ça? Non. C'est... Oh, bah, en fait, le temps passe vite, on va peut-être faire quelque chose d'un peu dense. Bah oui. Bah, exactement, c'était le camarade, Yann. Bon, non, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, on en a parlé tous les deux hier, mais du coup, bah, je vais te poser la question. Il y a un article, mais bon, c'est qu'un article, à la rigueur, ça reflète une certaine position qui existe au sein de la gauche dite radicale. La position des flics de gauche de la CGT peut-être aussi qui est plus de prévention, plus d'interpellation préventive, plus de travailler plus politiquement à la dissociation entre bons et mauvais manifestants, de manière à éviter la castagne et la radicalisation de la foule. Du coup, c'est l'article dit ça à un moment texto, que en allant interpeller par petits groupes un élément agité dans le cortège, on évite que le reste de la foule se solidarise avec lui, alors que dans la situation actuelle en France, on tape dans le tas et du coup on crée la situation inverse et du coup le maintien de l'ordre échoue. Alors quand on a des gens comme ça qui sont classés à gauche, donc c'est Fabienne Jobard, ouais, c'est ça ? Fabien Jobard. Fabien Jobard. Mais ouais, bah voilà. Du coup, on voulait t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ? Ouais, bah merci Yann pour ta question, hein, t'as raison. Mais pour ceux qui ont lu l'article, ça vient d'être bien résumé là, mais effectivement, c'est assez énervant en fait. Et puis surtout que ça ait circulé comme ça effectivement dans les milieux de gauche. Parce que fondamentalement, ces sociologues-là, hein, donc Jobard et Filleul, je crois, fondamentalement, ils sont pas dans une optique d'être opposés aux violences d'État, aux violences policières, à réfléchir sur la façon dont la violence est gérée de façon structurelle et méthodique et pensée par l'État. Ils sont dans une logique d'être des partisans d'une bonne police et d'une police surtout plus grave qu'une bonne police, une police efficace. Alors, évidemment, le principe, par exemple, d'un mouvement social, c'est d'un petit peu secouer l'ordre, voire de le renverser. Donc forcément, quand on se met du côté d'un bon maintien de l'ordre, c'est qu'on est opposé au mouvement social. Fondamentalement, il y a à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions, donc il y avait de longues considérations, très longues, hein, très techniques, parce que c'est quand même leur champ de recherche, donc ils ont fait le boulot, une longue mise en parallèle entre le maintien de l'ordre à l'allemande et le maintien de l'ordre à la française. Alors comment il est le maintien de l'ordre à l'allemande ? C'est déjà des policiers, et donc ça c'est un des arguments un peu centraux de la réflexion de ces sociologues-là, c'est au moins en Allemagne, il n'y a pas de mutilés au LBD, hein, parce que les Allemands, ça, ils trouvent ça trop un peu barbare de tirer sur une foule, c'est pas très démocratique, et il n'y a pas de grenades. Donc ils partent de cette réflexion-là pour dire que le maintien de l'ordre à l'allemande, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'il est efficace, et il est propre et sans bavure. Sauf qu'en réalité, ce maintien de l'ordre à l'allemande, c'est le maintien de l'ordre un peu parfait, pour une démocratie occidentale, c'est-à-dire qu'ils ont parfaitement réussi à pacifier les contestations, c'est-à-dire qu'ils mettent à la fois un dispositif qui est quand même assez violent de policiers qui sont formés au sport de combat, au Krav Maga, etc., qui vont au corps à corps tout de suite pour isoler ceux qui auraient des pratiques offensives ou radicales, et d'autre part, ils travaillent très très étroitement avec les autres forces du mouvement social, qu'ils soient les syndicats, hein, mais qui sont très très différents en Allemagne, qui sont des gros syndicats co-gestionnaires très très puissants, et les différents, voilà, la gauche institutionnelle, où ils mettent en place des un peu des policiers en chasuble jaune qui ont l'air sympas, assez majoritairement composés de femmes, qui vont discuter et qui vont dire attention, là, les gens en noir, ils sont très très dangereux, il faut les isoler. Et donc c'est un travail qui est vraiment politique de dissociation. Et ils ont réussi à fissurer totalement le mouvement social et à isoler les radicaux, entre guillemets. Et donc ça, c'est le travail dont rêvent tous les États, en fait, qu'ils soient d'ailleurs démocratiques ou autoritaires, c'est d'isoler ceux qui portent des pratiques offensives du reste. Alors que nous, on veut au contraire que ces pratiques-là d'autodéfense et y compris de blocage économique, y compris voilà toutes ces pratiques qui mettent à mal un petit peu la machine, se diffusent le plus largement possible, ce qui est d'ailleurs un peu en train de se passer en ce moment. Avec certains pans du syndicalisme français. Et donc, en réalité, cet article, il félicite un maintien de l'ordre qui aurait réussi à pacifier une société. Et donc ça, c'est assez... Alors oui, d'accord, il n'y a pas de mort et de bavure en Allemagne. Ça, enfin, de bavure entre guillemets. D'accord. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et en plus, avec une dimension de surveillance qui est encore largement plus développée qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'interdits de manifs. Il y a des arrestations préventives. Parfois, ils vont dans des squats le matin, ils mettent en garde à vue tout le monde pour la journée, puis ils les relâchent le soir uniquement pour les empêcher de participer à la manif. Et tout le monde est filmé, surfiché. Il y a beaucoup d'infiltrations policières dans les milieux entre guillemets radicaux. Donc voilà, féliciter ce type de maintien de l'ordre, c'est quand même assez inquiétant. Et en plus, je vais juste finir rapidement, mais ce que je disais hier, c'est qu'en plus, ces sociologues-là, non seulement ils se trompent politiquement, à mon avis, mais en plus, même d'un point de vue scientifique et de prospective, ils se trompent totalement. Ils sont dans un paradigme des années 90, c'est-à-dire un paradigme où l'économie fonctionnait encore pas trop mal, où on n'était pas à l'ère d'une crise systémique totale et d'une extrême volatilité de la situation, comme on disait tout à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose, un contexte antiterroriste accru, et surtout, en toile de fond, une crise totale qui est économique, écologique, sociale, politique, avec un désaveu total de la classe politique. Donc, on est sur quelque chose qui va forcément susciter des remous. Et les polices du monde entier, au contraire, d'accord, il y a quelques pays qui s'inspirent du modèle allemand, mais beaucoup de pays anglo-saxons et beaucoup de pays du tiers-monde, etc., au contraire, se dotent massivement de balles en caoutchouc, de grenades de désencerclement à la française, etc. Donc en plus, ils se trompent. En plus, la plupart des États font le pari d'un durcissement de la situation globale et s'arment en conséquence. Donc voilà, en plus, ils se trompent. À mon avis, on va plus l'armement du 21e siècle, c'est les balles en caoutchouc et la surveillance. Donc je suis pas totalement sûr qu'ils se trompent. En fait, parce que ça me fait furieusement, ce débat-là me fait furieusement penser à un précédent qui a été l'espèce de jeu de mieux-disant policier entre la France et l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, où la France invoquait le modèle britannique pour mettre des caméras partout, et la Grande-Bretagne invoquait le modèle français pour armer sa police. Et je pense que c'est pas vraiment qu'ils se trompent, c'est que là où on va, ça pourrait aussi bien hybride, être une espèce d'hybride. C'est-à-dire le truc total où on se paye toutes les saloperies de partout. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, en plus, on est à l'ère globale. C'est pour ça que je disais qu'ils se trompent, c'est tout simplement parce que, par exemple, la balle de LBD, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une balle de 40 mm. Et c'est un format qui est validé par l'OTAN. C'est un format de balle internationale. Qui est un diamètre, on va dire, inframilitaire, paramilitaire, et donc qui peut être utilisé, on retrouve exactement le même projectile que ce soit à Ferguson, que ce soit à Jérusalem-Est ou que ce soit à Corbeil-Essonne en banlieue parisienne, quoi. C'est très très clair, on va sur une uniformisation et une espèce de guerre de basse intensité à la frontière entre le maintien de l'ordre et la guerre un peu partout, en fait. C'est ça la question qui se pose actuellement. Mais oui, il y a une hybride, on s'inspire évidemment des techniques de surveillance et de répression. Mais là où je disais qu'on allait sans doute, enfin le marché de ces nouvelles armes allait se développer, c'est qu'en plus c'est une dimension économique très importante avec des marchands d'armes très importants, hein, avec des grands salons de vente d'armes qui se trouvent à Paris, qui se tiennent tous les deux ans, Eurosatory et Milipol, donc où on vante les différentes entreprises qui fabriquent ces armes-là entre guillemets à létalité atténuée, etc. Et donc il y a une très très importante dimension économique et à mon avis que sont pas prêts de lâcher certains décideurs qui vante la croissance et etc. C'est sûr, quoi. Ouais. On va s'écouter un petit morceau de musique tout ceci est très dense, histoire de laisser refroidir un peu vos cerveaux avant de repartir de plus belle. On se retrouve tout de suite après. Et vous êtes toujours sur Radio Croco, la fréquence qui nique la France, et l'émission matinale ou borborygme, l'émission qui radicalise en douceur. Donc pendant le morceau, on discutait et on s'est dit qu'il y avait quelque chose de très visible qui était en train de se passer depuis le tournant des années 90 et 2000. Quelque chose qui inversait un processus qui s'était mis en place notamment avec la création du corps des CRS à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui était en métropole, attention, uniquement en métropole, de distinguer l'armée et les tâches policières, de créer un corps de maintien de l'ordre spécifique à la police pour ça, et de mettre en place une doctrine du zéro mort, toujours en métropole. Et à la fin des années 90, on a vu deux choses apparaître conjointement. D'une part, les entraînements militaires ont commencé de plus en plus à être basés sur une guerre de basse intensité, c'est-à-dire du maintien de l'ordre urbain, etc., etc. Et d'autre part, une police qui s'arme de plus en plus et qui est de plus en plus violente, donc une espèce de floutisation de la frontière entre ce qui appartient au maintien de l'ordre et ce qui appartient à la guerre, en fait. Voilà. Ben ça c'est un peu le propos du bouquin, en fait, c'est la question de la militarisation de la police, hein, et ça c'est vraiment très très clair. Alors ça s'illustre sur plein de dimensions, hein, la dimension culturelle et lexicale, en fait, déjà, On parle de guérilla, maintenant c'est devenu fréquent quand même qu'on parle de guérilla à Nantes-Touraine pour des manifestations. On parle d'assaillants, on parle d'adversaires, on parle de neutraliser une cible. Hein, c'est des policiers qui disent ça, je neutralise la cible quand je lui tire dessus. On parle voilà d'adversaires, il y a un lexique et puis tous les mots là, balles de défense, tous les acronymes, DMP pour la grenade de désencerclement, etc. Donc il y a cette dimension lexicale et puis il y a la dimension dans les faits effectivement. Avec la fin de cette doctrine, comme je parlais tout à l'heure de séquence historique du maintien de l'ordre, là on est à la on est depuis à la, voilà il y a comme je disais tout à l'heure il y a eu un processus qui a mis fin à cette séquence de la doctrine du zéro mort et surtout de cette logique là de repousser une foule, de la tenir à distance. Hein. Et donc ça pour ça il y a les canons à eau, il y a le gaz lacrymogène. Là on n'est plus du tout dans cette logique là, on est dans la logique de faire mal et de marquer les chairs. Donc ça c'est très important comme tournant. Et donc pour faire mal et pour marquer les chairs, il y a un geste qui n'est pas du tout anodin, hein. C'est le geste maintenant de tirer sur une foule. Ça c'était un geste qui était totalement abandonné dans le maintien de l'ordre. On le voyait encore dans les années 50, hein, avec des policiers, un peu d'ailleurs des CRS parfois, qui ouvraient le feu. Il y a eu un ouvrier qui s'est fait tuer en 55 à Nantes parce que, bon à l'époque il recevait des bombes artisanales, hein, les flics quand même, c'était un autre niveau, mais... un CRS qui a sorti son flingue et qui a tué un ouvrier à Nantes. Il y avait cette histoire de l'ouvrier gréviste à Brest là qui a d'ailleurs aujourd'hui il y a une BD Un homme est mort qui parle de cette affaire. Et donc voilà, il y avait une séquence un petit peu à partir des années 60 où il y avait vraiment une exigence du zéro mort, une exigence de tenir la foule à distance, de laisser des issues aussi à une foule hostile et de faire d'avoir une réponse collective, c'est-à-dire de repousser une foule. Aujourd'hui, il y a une logique individualisante de marquer la chair des personnes pour faire peur. Et donc ça, ce geste-là de tirer, il n'est pas anodin parce qu'aujourd'hui, la police elle tire plusieurs milliers de balles en caoutchouc par an sur des gens en tir tendu et donc ça réintroduit cette logique-là, donc qu'on retrouvait au début du siècle, hein, avec la troupe qui mettait un genou à terre et qui tirait sur une les manifestations ouvrières. On retrouve cette logique-là où on peut voir des lignes de lanceurs de balles de défense ouvrir le feu sur un groupe. Ça c'est quand même, voilà, c'est des images qui sont pas du tout anodines en fait, qui réintroduisent quelque chose d'important. Et on répondra que oui, c'est des balles en caoutchouc, que c'est pas des armes à feu, etc. Oui, mais justement, moi, là, ce à quoi on essaye de réfléchir depuis tout à l'heure, c'est que la militarisation de la police, c'est pas du tout une situation à un temps donné, c'est pas du tout une situation arrêtée. En réalité, c'est un processus de long terme et c'est un processus qui continue d'avancer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup critiqué, la gauche plurielle critiquait beaucoup le flashball, la première génération de flashball là dans les années 90 et début 2000 sous Sarkozy. On a beaucoup entendu parler les écolos, etc., des flashballs. Aujourd'hui, c'est la gauche, c'est le Parti Socialiste qui a généralisé le LBD-40, donc l'extension qui est plus puissante, celle qui a mutilé Jean-François, celle qui m'a touché, celle qui mutile la plupart des gens. Et en fait, même le LBD-40, dans quelques années, il sera sans doute obsolète. Aujourd'hui, on a vu, depuis quelques manifs, apparaître notamment à Lyon et à Paris, une espèce de fusil qui ressemble à un fusil mitrailleur avec un gros barillet qui peut tirer en rafale des grenades ou des balles en caoutchouc, de dimension 40 mm toujours, hein, le format international. Je ne sais pas si vous avez vu passer ces photos-là. Il y a Rébellion qui a fait une petite enquête assez fouillée pour trouver précisément de quoi il s'agissait. Donc oui, peut-être que c'est très opaque le ministère de l'Intérieur, c'est sans doute en expérimentation, mais c'est un gros fusil avec un barillet qui peut tirer 6 coups d'affilée en quelques secondes. 6 coups, que ce soit grenade, que ce soit également grenade à effet de souffle, hein, pas seulement lacrymogène, ou balle en caoutchouc. Donc on voit que là, il y a une intensification très très claire. Et oui, tout à l'heure, tu parlais de la police anglaise. Normalement, les balles en caoutchouc, elles étaient réservées aux zones de conflit colonial ou aux zones de guerre. C'est-à-dire que la police anglaise, au Royaume-Uni, elle est quand même... C'est le Bobby qui a pas le droit de contrôler, parce que voilà, ils contrôlent pas les identités, les flics anglais, jusqu'à un passé récent, je crois. Ils sont en chasuble jaune en manifestation, ils sont mignons, sauf que... Il y a d'autres corps de police féroces qui étaient employés en Irlande du Nord, hein, en complément de l'armée. Et là, pour le coup, on tirait des balles en caoutchouc et qui tuaient des manifestants. On se rappelle du Bloody Sunday, etc. Bon, après, et donc, l'Irlande du Nord, c'était quand même quasiment une situation d'occupation coloniale son fonctionnement. C'est une situation coloniale et c'est pour ça que ça illustre aujourd'hui le fait qu'on utilise des balles en caoutchouc absolument partout. Enfin, partout en France et sur tout le territoire, il y a cette logique-là maintenant de guerre de basse intensité et d'effacement progressif entre des missions de maintien de l'ordre à l'intérieur des frontières de l'Hexagone et de maintien de la paix, entre guillemets, hein, ça c'est aussi dans la novlangue, mais de maintien de la paix, par exemple dans les pays du tiers-monde. On voit que les casques bleus, ils vont se former au maintien de l'ordre. On voit certains casques bleus avec des lanceurs de balles de défense et des boucliers. Et notamment à Saint-Astier, par exemple, il y a des Marines qui viennent s'entraîner en France à ces situations-là de conflit un peu de à la frontière entre la guerre et le... Et donc on va plutôt vers ça, vers une espèce de guerre civile mondiale, plutôt que vers des guerres ouvertes. On a vraiment des tonnes de choses à se dire. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les aborder. J'en profite pour rappeler ce que tu mentionnais ça un moment hier. Tu disais, mais faut pas non plus complètement s'étonner de voir le Parti socialiste se comporter avec une pareille brutalité, parce que il y a eu dans l'histoire des nombreux tournants sécuritaires qui ont été orchestrés par la gauche. Et alors ça me permet de rappeler, parce que tu l'as mentionné hier à la librairie, que en 1919 le frère du Parti socialiste français, le SPD allemand, réprimait la révolution allemande en utilisant des corps francs, enfin voilà, de manière ouvertement militarisée, ce qui a été un peu l'ancêtre par la suite des SS, quoi. C'est enfin, ça rigolait pas, et c'est pas nouveau, ça fait un siècle qu'on se traîne ça, des socialistes qui, le moment venu, se comportent avec une sauvagerie hallucinante. Oui, t'as aussi mentionné un autre truc, je vais te laisser développer, sur la narration politico-médiatique. Donc il y a un ennemi intérieur qui serait souterrain, clandestin, etc. On en fait des tonnes jusqu'à l'Assemblée nationale. Hein, Valls qui parle des amis de Julien Coupa, Ouest France qui parle de sergent recruteur à Nantes, etc. Et alors par rapport à la situation rennaise, tu disais que tu en avais été témoin. L'épisode de l'expulsion. La première expulsion de la Maison du Peuple et la manifestation contre les violences policières qui lui succédaient. Tu as parlé de ça hier, enfin là, si tu peux en parler à l'antenne. Ah ouais, donc tu bombardes de questions comme ça. Donc ouais, donc il y a deux questions du coup. Sur la question de la famille politique socialiste. Alors ouais, en fait, je pense que depuis François Mitterrand, beaucoup de gens, enfin la plupart des gens vaguement de gauche, ont quand même pris conscience qu'il y avait eu un tournant néolibéral de la gauche en France, que sur le plan économique, il y avait assez peu de choses qui différenciaient le centre-gauche du centre-droit, etc. En revanche, c'est des gens, beaucoup de gens ont été très très surpris, et notamment là depuis quelques mois, de cette espèce de soi-disant entre guillemets dérive sécuritaire, qui est en fait pas une dérive, qui est la succession d'un processus, comme on l'a vu. Et qui était étonné de voir la gauche s'aligner totalement sur Nicolas Sarkozy et même aller plus loin que Nicolas Sarkozy sur la dimension sécuritaire. En réalité, c'est pas du tout une nouveauté. C'est-à-dire que c'est souvent les socialistes et la SFIO avant le PS, etc., qu'ont au contraire organisé des poussées sécuritaires et des poussées policières et militaires dans l'histoire. Alors tu parlais du SPD, ouais, c'est le SPD qui a liquidé la révolution allemande quand même, hein, c'est important de le rappeler ça, et qui a fait assassiner les spartakistes, et donc qui a laissé la place libre à l'extrême droite. Mais également en France, hein, c'est la gauche qui, avant 14, trahit tout organise la destruction des opposants à la guerre, et puis appelle à l'union sacrée, et puis surtout, après la guerre 39-45, c'est Jules Moch, c'est un ministre de l'Intérieur socialiste, qui envoie les CRS et également des forces armées écraser une grande grève insurrectionnelle des mineurs dans le nord de la France. Et donc c'est les socialistes, c'est la SFIO, hein, et c'est une répression qui est totalement féroce, où il y a des morts, où il y a des centaines de personnes qui sont licenciées, il y a beaucoup de blessés, et il écrase comme ça ce grand mouvement de grève par la violence. Et donc voilà, c'est la gauche qui fait ça. J'ai perdu mon fil. Et donc voilà, donc on voit qu'il y a il y a toujours une relative constance. C'est François Mitterrand qui crée les centres de rétention administrative. François Mitterrand qui, quelques années plus tôt, était quand même ministre de la Justice pendant la guerre d'Algérie et qui signait les condamnations, enfin qui paraphait les condamnations à mort de certains opposants, hein, quand même, François Mitterrand, un ancien vichiste. Donc il y a quand même une grande filiation. C'est Lionel Jospin qui lance le test ADN Aujourd'hui, il y a plusieurs millions de personnes en France qui sont fichées ADN, et c'est la gauche qui a lancé ça. Et donc, évidemment, en bout de course, c'est quoi? C'est Manuel Valls qui généralise le LBD 40 en France. Donc oui, il y a, en fait, c'est pas du tout nouveau. La gauche institutionnelle, la gauche de gouvernement, elle a permis toujours des poussées sécuritaires qu'auraient pas été forcément permises ni comprises sous un gouvernement de droite. Donc la deuxième question, c'était celle des événements récents à Rennes, et pas qu'à Rennes d'ailleurs. Et ce qu'on voit en fait, c'est que depuis le début du mouvement, depuis le 9 mars, il y a une répression policière qui est féroce, qui est vénère. On l'a vu à Nantes, par exemple, dès la première manif, il y a la manif tout gentiment, enfin à l'ancienne quoi, qui est allée vers la gare, et vraiment dès la toute première manif, les flics ont tiré des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur la tête de cortège. Ça, c'est étonnant quand même pour une première manif. Donc on voit, et ça en fait, c'était le premier pari du gouvernement, c'était de réduire le mouvement par la terreur. Et ça a totalement foiré. Ça a pas marché du tout parce que c'est un mouvement, c'est même pas vraiment un mouvement d'ailleurs, c'est une agitation prolongée. Mais ce mouvement-là, il s'arrête pas, il s'est pas arrêté à cause de la répression policière, il a tenu bon. Et donc là, il y a plein de dispositifs qui sont testés. On l'a vu, les interdictions de manifs, la propagande médiatique, ils ont tout essayé. Et là, il y a des nouvelles stratégies, on dirait, qui sont tentées. Ils ont réintroduit les voltigeurs aussi dans certaines villes. Enfin, ils ont à peu près tout essayé, tout ce qu'ils pouvaient. Et donc là, la nouvelle stratégie, c'est un peu une stratégie du storytelling policier. Et donc là, il y a eu un storytelling à Rennes qui était assez flagrant. Enfin, j'ai l'impression. Il y avait une grande manif régionale qui était organisée contre les violences policières, hein, et puis en réponse à la mutilation de Jean-François à Rennes, notamment. Et donc c'était quand même une date un petit peu importante, un petit peu symbolique quand même. Et donc la veille de cette manif, il y a la Maison du Peuple qui est expulsée par des unités réservées au grand banditisme et au terrorisme. Enfin voilà, ça j'apprends rien à personne. Hein. Et donc le soir, il y a cette manifestation-là qui se déroule un peu dans un centre-ville déserté par la police. Hein, donc évidemment, il y a une colère qui s'exprime, etc. Et donc dès le lendemain, c'est une avalanche, une déferlante médiatique sur une guérilla urbaine qui aurait eu lieu à Rennes. Bon, pour avoir fait la manif, j'ai pas eu trop l'impression que c'était une guérilla urbaine, mais bon. Pas spécialement non plus. Après voilà, c'était plus voilà. Bref. Et donc avalanche médiatique dès le lendemain matin, il y a eu une guérilla urbaine à Rennes et donc l'interdiction de la manifestation anti-violence policière est totalement justifiée et donc par contre pour le coup à la manifestation du lendemain, il y a 400 flics autour de la place Charles de Gaulle. Dès qu'on s'approche à moins de 30 mètres d'une ligne de CRS, c'est 30 grenades lacrymogènes qui nous arrivent dessus. Et c'est là pour le coup fermeté totale. Et troisième épisode quand même du storytelling, il y a Bernard Cazeneuve qui vient le lendemain à Rennes, donc le dimanche. Tout ça s'est passé sur 3 jours et qui dit bah voilà, regardez, il y a eu des sauvages le vendredi, le samedi on a dû se montrer ferme et regardez maintenant à Rennes les choses sont rentrées dans l'ordre quoi. Donc là c'est un récit, c'est une narration qui est très très claire. C'est une narration qu'on a pu retrouver à Nantes et surtout c'est une narration qui a été encore enfin assez flagrante à Paris. Sur l'affaire de la voiture brûlée, c'est-à-dire que il y a eu des interdictions de manif hein, qu'ont été cassées par le tribunal administratif, hein, le tribunal administratif de Paris qui a dit que c'était une atteinte grave aux libertés fondamentales d'interdire de manifester, etc. Donc ça c'est quand même un camouflet politique assez cinglant pour Bernard Cazeneuve qui avait directement diligenté ces interdictions de manif. Et donc la petite vengeance, c'est que trois jours après, il y a cette voiture de keuf qui est incendiée, quai de Valmy, et sur le seul témoignage d'un policier en civil infiltré dans la manif, sans aucun élément, sans rien, on arrête les gens qui avaient été interdits de manif et dont l'interdiction avait été cassée par le tribunal administratif. Et là, c'est très très clair. C'est à nouveau avalanche médiatique encore plus forte avec, vous voyez, les interdits de manif, on a raison de les interdire, c'est des gens très dangereux. Et il faut absolument les empêcher de prendre la rue, c'est des sauvages. On a entendu le mot barbarie, qui est quand même important, hein. Acte de barbarie, sauvagerie, etc. Donc ça, on revient à la figure de l'ennemi intérieur. Là, c'est habituellement réservé de fait au terrorisme. Il y a plus de distinction là. Et donc depuis ce joli coup médiatique et ce joli récit policier, les interdictions de manif continuent à se multiplier tranquillement. On est rendu à 30 interdits de Nantes. Les jours de manif, donc 30 personnes, ce qui est quand même pas mal, et ça continue à chaque manif. Le préfet en réassigne encore plus à chaque manif. Et à Nantes, en plus, c'est jusqu'à la fin de l'état d'urgence Donc ce qui est quand même voilà, qui n'arrivera probablement jamais. Ad vitam aeternam, voilà. Quoi, on est interdit de manif à vie, c'est bien. Je rappelle que le plan Vigipirate était censé être provisoire. Il n'a jamais cessé, jamais. Et donc voilà, on est à l'ère un peu des storytelling, et ce qui fait peur en fait, c'est qu'on a beaucoup de mal à s'opposer, à se faire entendre quand il y a cette espèce de rouleau compresseur qui est enclenché. Bah, malheureusement, ça marche plutôt pas mal, quoi. Le coût de la voiture brûlée, on va le payer cher, quoi. Et c'est ça, tu parlais de la violence policière dès le départ. Moi, je suis vieux maintenant, ma première manif elle remonte à 86, quoi, justement. Mais avec mes camarades vieux, mes camarades quarantenaires, c'était entendu que dans une manifestation prévue, tant qu'on restait dans le cortège syndical, la manif prévue avait lieu, on restait dans le cortège syndical, on était assuré de pas se faire gazer ou taper dessus. Eh bien non, parce que la deuxième manif qui a eu lieu sur Rennes, les flics ont commencé à tirer en cloche au milieu du cortège syndical, c'est-à-dire au milieu de poussettes, hein, de en mode bah si les bébés veulent pas faire se faire gazer, ils ont qu'à rester chez eux, quoi. Donc là on est, ils sont vraiment allés très très très très très très loin, et c'est le moment de saluer les nombreuses personnes qui ont tenu d'ailleurs, parce que voilà, à 40 ans passés, j'ai jamais vu ça, quoi. Et c'est vrai que ça c'est la vraie nouveauté de ce mouvement-là un peu, c'est que ouais, à Nantes on a pu voir carrément des manifs cassées en plusieurs morceaux au niveau des cortèges syndicaux, avec des syndicalistes qui compris carrément des grenades lacrymo en tir tendu. Enfin ça c'était impensable il y a quelques années, hein, vraiment. Ah oui. Et donc là on revient à cette question de l'aboutissement d'un processus, c'est-à-dire que maintenant que ça a été accepté sur les marges, les ennemis intérieurs, maintenant que c'est passé, c'est généralisé à toutes les catégories de population. Et il y a quelques années, et ça il faut le dire, c'est important, il y a un syndicaliste de la CGT d'ArcelorMittal qui a perdu un œil à Strasbourg lors d'une manifestation, et on peut pas dire que la CGT ait beaucoup gueulé là-dessus. Et donc maintenant, en termes sécuritaires, on ne recule malheureusement jamais, c'est un rouleau compresseur qui avance et qu'on a beaucoup de mal à freiner et qui généralement ne recule pas. Donc maintenant que ils ont pu s'attaquer aux marges, puis petit à petit à des syndicalistes les plus offensifs, ArcelorMittal, ils avaient quand même une pratique assez de résistance à la police qui était quand même assez prononcée. Maintenant que ça s'est passé, on voit que ça se généralise tranquillement et que maintenant ils hésitent plus à s'en prendre à des gros cortèges syndicaux. C'est plus du tout exclu par le pouvoir, quoi. Et donc ça, effectivement, c'est important et c'est une nouvelle dimension à prendre en compte. En fait, oui, c'est comme le test ADN. Je rappelle que quand il a été introduit, il était censé être réservé aux seuls violeurs récidivistes. Et l'État à l'époque jurait ses grands dieux que jamais ça ne serait utilisé pour autre chose. Et maintenant, n'importe quelle condamnation, rien du tout. Maintenant, pour un tag, ou rien du tout même. N'importe quelle garde à vue. Enfin, c'est pas en cas même de condamnation. Si même si les poursuites n'aboutissent à rien, si t'as refusé le test, t'as un procès quand même. Oui, j'ai des copains et camarades qui ont été acquittés des charges qui étaient retenues contre eux, mais condamnés pour refus de test ADN. Et en fait tout est comme ça dans la logique sécuritaire, c'est vraiment le flashball super pro là quand il est introduit, c'est censé être réservé évidemment pour remplacer strictement l'arme à feu, hein, c'est censé être très encadré, c'est censé être une arme anti-bavure, et surtout Guéant il dit que avant d'être donné à la BAC ça a été donné à des corps d'élite, hein, et c'est pour le grand banditisme et pour des situations extrêmes de guérilla urbaine. On voit qu'immédiatement, c'est utilisé quasiment. Les flics dans les quartiers, ils te braquent un LBD sur la gueule pour te contrôler, quoi. Enfin, et même pas que dans les quartiers. Hein. Quand il y a des jeunes en centre-ville de Nantes, moi j'ai vu des contrôles, ils mettaient en joue au LBD pour contrôler des papiers. Et voilà, on voit que c'est toujours comme ça. On part d'une situation d'exception pour la généraliser. On est en train de déborder un peu, tu nous dis si t'as un peu de marge ou. Moi j'ai de la marge, mais je vais pas trop tarder. Hein. On rebalance un peu de musique et on conclut gentiment. Voilà. Ok, bon, super. Ouais. Yo, microphone check 1-2, what is this? The 5-foot-7 with the roughneck business. I float like gravity, never had a cavity. Got more rhymes than the one that's got family. No need to sweat Arsenio to gain some type of fame. No shame in my game, cause I always be the same. Styles upon styles upon styles is what I have. You wanna just a fighter, but you still don't know the half. I sport New Balance sneakers to avoid a narrow path. Messing around with this to catch the size of the I never brother's last creation. Minds get flooded, ejaculation. Right on the 2-inch tape, the abstract poet incognito runs the cape, not the best, not the worst. And occasionally I curse to get my point across, so bust the force as I go in between the grit and the dirt. Listen to the mission, listen, missions I do work. As a crack the monotone, chilling up the jazz, so get your own. Smoking on repeat, cause they try to dupe me or the best of the back, but they can't do rap for it's abstract. Original, you can't get your own, and that's pitiful. I know I'd be the man if I cold yank the plug on R&B, but I can't, and that's bug. À l'antenne de Radio Croco, matinale ou borborigme, l'émission qui radicalise en douceur, en compagnie du camarade Pierre Douillard, qui est venu parler de son bouquin, de plein d'autres choses. Alors, bon, comme on le disait, c'est l'émission qui radicalise en douceur, et pour se radicaliser en douceur, on va pas complètement vous casser le moral, on va parler de, pour conclure gentiment, des manières de résister un peu à tout ça, à ce rouleau compresseur. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Pierre? Ouais, voilà, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on a dressé ce tableau-là un petit peu sombre, et puis surtout, une fois qu'on a pensé la militarisation de la police comme un processus qui est en cours et qui est pas prêt de s'arrêter, malheureusement, on se dit que on est un peu impuissant, et que, voilà, que qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, face à ce rouleau compresseur, nous. D'ailleurs, il y a un petit commentaire, là, je vois qu'il y a un petit peu ça sur le chat. Alors il y a énormément de façons de résister aujourd'hui à ce qui se passe en ce moment et à cette marche forcée vers une république du 49-3, de l'antiterrorisme et du LBD, hein. Il y a plein de façons. Alors déjà, je commencerai par parler des infrastructures du maintien de l'ordre, parce que quelque part ce qu'on se prend dans le visage, ce qu'on se prend dans les poumons, ce qui lacère nos chairs, etc., c'est pas des choses abstraites. Elles sont produites où ? Elles sont produites en France. Elles sortent pas de nulle part. La France est un grand exportateur d'armes du maintien de l'ordre. Et notamment, pour ce qui est de la Bretagne, il y a l'usine Nobel Sport. Donc Nobel, l'invention de la dynamite. Hein. Donc l'usine Nobel Sport qui produit des grenades lacrymogènes de tout type et des balles de LBD. Et donc elle se situe à Pont-de-Buis, donc c'est dans le Finistère. C'est une grosse usine, hein, et donc ce qu'il faut savoir, c'est que Ces usines-là, ces infrastructures qui fabriquent des armes, du maintien de l'ordre, elles sont classées Céveso. Il y a de la poudre, il y a des choses comme ça. Et donc, il suffit, de, par exemple, d'encercler une usine pour qu'elle soit mise à l'arrêt automatiquement. Donc, pour ça, il faut quand même réussir à l'atteindre, ce qui n'est pas évident. Hein. Mais voilà, c'est une façon assez efficace de mettre un grain de sable dans l'engrenage. Et en plus, il y a une dimension qui est importante. C'est que, par exemple, pour l'usine de Nobel Sport de Pont-de-Buis, 80% de la production part à l'export. Donc, c'est-à-dire que bloquer cette usine-là, c'est pas seulement une façon de nous défendre, nous, et de nous protéger, nous, c'est aussi une dimension de solidarité internationale, parce que les grenades de Nobel Sport, elles sont utilisées en Afrique du Nord, elles sont utilisées dans les pays du Golfe, elles sont utilisées en Afrique noire, elles sont utilisées un peu en Amérique latine, et donc, par exemple, au Bahreïn, il y avait un mouvement social, les policiers tiraient des grenades lacrymogènes dans les maisons des opposants, il y a eu 70 morts, c'était des grenades faites en Bretagne par l'usine Nobel Sport, c'est quand même important de le dire. Et donc, il y a cette première façon, c'est s'attaquer aux infrastructures, et même avant de s'attaquer à ces infrastructures, les rendre visibles. Il y a une usine qui fabrique toutes sortes de grenades à effet de souffle à Précigné dans la Sarthe, l'usine Alcetex. Il y a une usine aussi Nobel Sport à côté de Toulouse. Et il y a évidemment, on en parlait très rapidement tout à l'heure, des grands salons de l'armement qui se tiennent à Paris. Donc encore une fois, la France est un épicentre de ce business-là. Et donc il y a un salon, par exemple, qui s'appelle Millipol, qui a lieu tous les deux ans, où on voit défiler tranquillement à la fois des dignitaires de je ne sais quelle dictature proche-orientale, de je ne sais quelle république occidentale ou de je ne sais quelle autocratie d'Amérique latine qui viennent faire leur petit marché et surtout repérer les nouveautés du maintien de l'ordre. Donc que ce soit... Quand je disais que c'était un processus, c'est-à-dire qu'ils sont dans une innovation permanente. Hein. Il y a des ondes maintenant qui peuvent brûler le corps à distance. Enfin, il y a absolument tout. Il y a des dissuasions sonores. Il y a beaucoup de choses. Donc on est dans cette... Donc ça, c'est une première piste pour résister un peu à cette fuite en avant sécuritaire. Il y a également le fait de recenser les blessés, de les rendre visibles et surtout de se fédérer. C'est-à-dire que ces blessures-là, comme on disait tout à l'heure, elles sont individualisantes, elles atomisent, elles visent à faire peur. Et en plus, il y a un discours médiatique, quand on a été blessé, qui vise à inverser la charge et à nous faire passer, nous, pour des agresseurs à chaque fois. Hein, et on le voit ça, que ce soit pour des gens mutilés, blessés ou même les gens tués, où il y a cette indécence maximale des syndicats policiers et des médias qui, systématiquement, quand il y a quelqu'un qui se fait tuer, notamment dans les quartiers, on sort son curriculum vitae, on sort ses antécédents judiciaires comme si c'était à lui et à sa famille de se justifier. Et ça, c'est pour atomiser, c'est pour annihiler toutes les capacités de défense. Et donc, une façon de résister, c'est aussi de se rencontrer entre blessés, de se fédérer, d'échanger des conseils, des pratiques d'autodéfense, des pratiques judiciaires et aussi des conseils médicaux, hein, parce que les médecins ils savent pas gérer en plus ces blessures-là. Donc ça, c'est une deuxième piste. Et la troisième piste que je verrai là, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. D'ailleurs, il y a une question de Yann là qui parle de la violence politique en manifestation, etc. Ça peut être un peu une troisième piste, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est pas tellement la violence politique d'ailleurs que j'appellerais ça moi, mais c'est qu'il y a une frange de plus en plus large et de plus en plus massive de la jeunesse aujourd'hui qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses, et notamment qui est en train de vivre des choses très très fortes dans les rues de Nantes, de Rennes, de Paris et d'autres villes, en se protégeant, en prenant soin les uns des autres, en développant des pratiques extrêmement vastes et plurielles de résistance à la police, que ce soit essayer de la tenir en respect, que ce soit tout simplement utiliser du matériel défensif, des banderoles, des boucliers, que ce soit mettre de la peinture sur des dispositifs, il y a des médics hein, qui soignent les manifestants, il y a un éventail de pratiques extrêmement large qui est en train de se développer et dont est en train de prendre conscience une partie très importante de la jeunesse en France aujourd'hui, et ça c'est quand même pour moi, là, une des meilleures réponses, et c'est très très fort de voir des milliers de personnes qui, au lieu de céder justement à cette espèce de terreur d'État, descendent de plus en plus déterminés et nombreux dans la rue. Ouais, mais je suis fier de notre jeunesse, elle apprend vraiment très très, très, très vite. L'État s'y trompe pas d'ailleurs, hein, sur l'armement défensif, au sens médiéval du terme, c'est-à-dire les lunettes de protection, etc. L'État s'y trompe pas qu'il les qualifie d'armes, quoi. Le préfet de Rennes, au début du mouvement, avait même fait une déclaration ahurissante où il justifiait la violence policière par le fait que les manifestants venaient armés puisqu'ils avaient des lunettes de protection. Nous, on a carrément droit à des arrestations de médics à chaque manif. Hein. Ouais, c'est quand même hallucinant. Ici, hein. Et confiscation, voire mise, enfin pas mise en garde à vue, mais embarqué pour des contrôles au commissariat ouais. Parce que t'as du sérum fil dans ta poche ou un masque de ski, quoi. Ah oui, bien sûr. Évidemment, ça, ils détestent ça. Et c'est pour ça que parler de violence politique, ça peut être un petit peu enfermant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des pratiques très très larges où il faut qui permettent de dépasser le terme de casseur, qui est un terme construit par le récit policier. Et là aujourd'hui, on voit Cazeneuve et compagnie qui disent qu'avoir de l'équipement de protection, c'est être un casseur. Bah, aujourd'hui, ça concerne, c'est plus du tout en marge des manifestations, comme aiment le dire les médias. C'est plus en marge. C'est ça l'épicentre de la mobilisation aujourd'hui. Mmh. C'est les cortèges de tête, c'est les cortèges jeunes, c'est les cortèges lycéens, où tout le monde aujourd'hui a une attention particulière à ces pratiques-là. Et donc là, on a totalement dépassé et explosé cette espèce de catégorie qui vise à isoler, encore une fois, ces catégories de casseurs, de violents, etc. Il faut réussir à fissurer ce dispositif-là, et je pense que c'est en bonne voie là en ce moment. Bon, après, sauf si on comprend violence comme le faisait Georges Sorel, syndicaliste révolutionnaire du début du XXe siècle, qui l'opposait, il opposait la violence régénératrice, ouais, la violence révolutionnaire à l'usage de la force publique. Voilà. Sinon, ouais, moi je serais assez partisan de la récupération du terme en fait, casseur. C'est, il y a eu un assez beau moment pendant les vacances scolaires. Il restait encore quelques étudiants sur Rennes, pas mal, et on a fait d'assez belles manifs, notamment dans le centre commercial Columbia, en chantant c'est nous les casseurs, vous voyez qu'on fait pas peur. Et ça marchait d'ailleurs assez bien. L'ambiance était très bonne, même hors manif. Bon, évidemment, on passe dans un centre commercial, tous les rideaux commencent à se baisser, on se met à gueuler, libérer les clients, et plein de clients se sont précipités sur les grilles en jouant le fait d'être prisonnier en secouant les grilles. Voilà, donc ça marche aussi assez bien, je trouve, la récupération du terme sur le mode, bah voilà, comme les ouais, homosexuels ouais. ont récupéré le terme pédé, comme ouais, il y a un jeu là-dessus, ouais, et puis même il y a une grande ambivalence, par exemple, parce qu'à Nantes on a pu voir et ça c'était très fort aussi, beaucoup de populations qui venaient des quartiers périphériques de la ville venir aux manifs. Et parmi eux, il y en avait pas mal qui étaient là, ben venez, on suit les casseurs, au moins ils font, voilà. Donc, c'était assez marrant. Et puis il y a une banderole, on a fait aussi une petite banderole, nous sommes tous des casseurs, mais malheureusement elle a été immédiatement arrachée et volée par la BAC. Donc ils aiment pas trop ça. Mais il y a cette question-là, ouais, de la sémantique, se réapproprier la sémantique, ouais, c'est aussi une façon de répondre. Ceci est d'un blanc, donc. Oui. Sinon, moi je peux continuer à placer. Mais bah c'est comme tu veux, hein. on peut conclure gentiment. Pour conclure, on peut se dire que la lutte continue, que il y a une échéance importante qui se profile à la rentrée, au cas où le mouvement malheureusement perdrait de l'ampleur, mais ce qui est pas garanti. Hein. Mais je sais pas si vous avez vu qu'il y avait les services de François Hollande et notamment Monsieur Cambadélis, dans sa grande intelligence, qui a eu l'idée assez lumineuse d'organiser l'université d'été du PS. À Nantes, donc c'est l'université d'été un petit peu décisive, un petit peu importante, qui est censée lancer la campagne présidentielle, l'Alliance populaire, et être très très importante pour la campagne présidentielle. Donc ils ont eu l'idée vraiment très très maligne de la faire à Nantes, à une ville avec une majorité rose verte, avec François de Rugy, etc. Donc ça peut être une piste assez intéressante de tous se réunir là-bas, tous les gens qui ont pris la rue au cours de ces trois derniers mois, tous ceux qui sont impliqués sur les ZAD, ceux qui ont été blessés par la police. Voilà, avoir un éventail très très large de composantes, d'aller un petit peu leur dire ce qu'on pense de leur quinquennat à Nantes à la rentrée, là, c'est du 26 au 28 août. Donc voilà, ça fait à mettre un petit peu dans le paysage et à réfléchir d'ici là, mais il y aura sans doute des choses, et voilà, c'est l'occasion. Il y aura tous les gens qui nous ont mutilés et blessés et détruits, tous ceux qui essayent d'aménager et de détruire nos vies depuis des années, là, Valls, Cambadélis, Sapin et compagnie, ils seront à Nantes. Hein, ils seront dans l'Ouest, donc voilà, peut-être à mettre dans le paysage pour les Bretons et les Bretonnes. Et également, pour conclure, je place un gros big up aux copains de Nantes. Lâchez pas, je place un big up aux copains lycéens qui malheureusement ne doit pas nous écouter, mais qui est en taule actuellement pour tentative d'homicide sur keuf parce qu'il a fait un croche-patte à un gros connard de keuf qui attaquait un cortège. Un gros big up à tous les inculpés, à tous les blessés, et voilà, à Nantes, Rennes, et à tous ceux qui se bougent. Oui, ce que tu dis, ça me rappelle un communiqué de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France il y a quelques jours lors de la visite au domicile d'El Khomri, qui appelait à nasser les nasseurs, à contrôler les contrôleurs, etc. Enfin, on va pas les lâcher comme ça, pas de sitôt en tout cas. Ben, merci Pierre. Merci. Merci de nous avoir rendu visite. Donc c'était le camarade Pierre Douillard, invité de Matinal ou Borboring. Allez voler le bouquin ou achetez-le. Ah oui, vous pouvez le voler à la Fnac. Hein. J'aimerais juste faire une petite réaction. J'étais sur Nantes avant-hier pour une manif spontanée. Et alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude d'être sur Rennes, mais et du coup j'ai vu l'escalade progressive sur Rennes, donc ça me choque assez peu. Mais la manifestation sur Nantes a duré 5 minutes chrono. On en a parlé. Ah d'accord, excusez-moi, mais j'étais dedans et du coup ça a été assez choquant, je dois dire. La rapidité de l'intervention policière et leur brutalité aussi. Ouais, c'était une grande première à Nantes. C'est encore une nouvelle. On voit qu'ils naviguent à vue, quoi. Ils testent une nouvelle technique à chaque manif. En fait, aujourd'hui à Nantes, ça c'est un peu spécialité nantaise, c'est qu'elles sont toutes interdites. On peut plus manifester en ville. Il fait un arrêté d'interdiction de chaque manif. Donc il y a eu une manif interdite où ils ont fait un tout petit périmètre de défilé, et dès qu'on s'approchait des limites, ils gazaient massivement. Il y a eu des attaques à coups de grenade d'un cortège aussi d'une autre manif interdite, et puis là ils ont carrément décidé de nasser totalement la manif. Et puis malheureusement, comme les syndicats le matin avaient appelé à défiler en dehors de la ville, bah il y avait une manif qui était en plus assez peu conséquente, ce qui leur a permis de faire une grosse nasse pendant 3 heures. Ouais. Mais j'y étais pas puisque je suis interdit de manif, heureusement. Voilà. Bon, donc du coup, voilà, ça va être la conclusion. Pendant l'émission, on a parlé socialiste avec tous les guillemets qui s'imposent et trahison. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que ça me permet un enchaînement autopublicitaire, puisque ce sera le thème de notre émission Socialisme ou Borborigme ce soir à 18h. Notre thème principal, la révolution allemande de 1919. Comment elle vécu, comment elle est morte. Si ça vous a plu, si vous en voulez encore, on enchaînera avec les gauches communistes germano-hollandaises. Voilà, la suite. Et bien évidemment, du coup, on parlera un peu de la révolution russe. C'est impossible de parler de la révolution allemande sans parler de la révolution russe. C'est impossible aussi de parler de les gauches communistes sans parler de la révolution russe et des bolcheviks, puisque c'est quand même vis-à-vis, très souvent contre eux, que les gauches communistes ont formalisé leur théorie. Voilà, donc on se retrouve, Guy Edern et moi-même, Gaël Violet, ce soir à 18h. Donc à très bientôt. Et musique. toujours à l'antenne de Radio Croco. On ne sait pas trop si Matinal ou Borborygme va se poursuivre encore longtemps après le départ du camarade Pierre Douillard. Bah oui, parce que c'est des danses, puis on fera pas mieux que lui, là, je pense. Sachant qu'on revient de toute manière ce soir pour Socialisme ou Borborygme, donc... Tout à fait. Disait professeur Violet. Vous en aurez 4 heures du Guy Hédern et du Violet ce soir. On va pas vous imposer 4 heures non plus ce matin. On rebalance un peu de musique le temps que vous repreniez l'antenne. Le truc ouf. What's up, man? Cool, man. Chillin'. Yo, you know I had to call. You know why, right? Why? Because, yo, I never ever call and ask you to play something, right? Yeah. You know what I want to hear, right? What you want to hear? I want to hear that Wu-Tang joint. Wu-Tang again? Yeah, again and again. Like smoking Joe Frazier, the Hellraiser, raising hell with the flavor. Terrorize the jam like troops in Pakistan, swinging through your town like your neighborhood Spider-Man. So tick-tock and keep ticking, while I get you flipping off the shit I'm kicking. The Lone Ranger, co-ed, danger, deep in the dark with the art to rip the charts apart. The vandal, too hot to handle your battle. You're saying goodbye like Devin Campbell. Roughneck, inspect the decks on the set. The rebel, I make more noise than heavy metal. The way I make the crowd go wild. Sit back, relax, won't smile. Ray got it going on, pal. Call me the rap assassinator. Rhymes rugged and built like Schwarzenegger. And I'ma get mad deep like a threat. Blow up your project, then take all your assets. Cause I came to shake the frame in half with the thoughts that bomb shit like math. So if you wanna try to flip, yo, flip on the next man. Cause I'll grab the clip and hit you with 16 shots and more I got. Going to war with the melting pot. It's the Method Man for short, Mr. Map. Move it on your left, ha! And set it off, get it off, let it off like a gat. I wanna break food, cop me back. Small change, they putting shame in the game. I take game and blow the nigga out the frame. And like fame, my fella live forever. Niggas crossing over, like they don't know no better. But I do, true, can I get a suit? Now respect due to the 1-6, ooh, I mean, oh. Yo, check out the flow like the Hudson or PCP. When I'm dusting, niggas off, because I'm hot like sauce. The smoke from the lyrical blunt make me, ooh. What, grab my nut, this fool. Here comes my sound, let's down. True, B, A, B, B, Y, U. To my crew with the. Yeah, yeah, yeah. Come on, baby, baby, come on. Baby, come on, baby, baby, come on. Yo, you best protect your neck. First things first, man. You're with the worst. I'll be sticking pins in your head like a nurse. I'll attack any nigga who's slacking his mat. Come fully packed with the fat bugger stack. Shame on you when you step through. Two, the old dirty bastard, straight from the Brooklyn Zoo. And I'll be damned if I let any man come to my center. You enter the winter, straight up and down. That shit at cam, you can't slam. Don't let me get fooled on the man. The old dirty bastard is dirty and stinking. Ace on your nigga rolling with the night of the creeps. Niggas be rolling with a stash. Ain't saying gas, bite my style. I bite some over. My style is wild, so book me. Not long is how long that this rhyme took me. Ejected styles from my lethal weapon. My pen that rocks from here to Oregon. Here's Morgan, catch it like a psycho flashback. I love gats, rap was a gun, you wouldn't bust back. I come with shit, all types of shapes and sounds. And where I lounge is my stomping grounds. I give an order to my peeps across the water to go and snatch up props all around the border. And get far like a shooting star. Pursue our all is living the life of Pablo Escobar. Point blank as I kick the square biz. There it is, your fucking pros and it goes. Yo, chill yeah. With the feedback, black, we don't need that. It's 10 o'clock, ho, where the f*** you see that? Feeling mad hostile, ran out apostle. Throwing like Christ when I speaks the gospel. Stroll with the holy robe, then attack the globe with the buckets. Style the ruckus, 10 times 10 men committing mass sin. Turn the other cheek and I'll break your f***ing chin. Slain boom bangs like African drums. LB. Coming around a mountain when I come. Crazy flamboyant for the rap enjoyment. My planet freeze like black unemployment. Yeah, another one dare. Took a genius, take us the f*** out of here. The Wu was too slamming for these coke killer labels. So ain't had hits since I seen Aunt Mabel. Be doing all the sinning like Cain did Abel. Now they money's getting stuck to the gum under the table. That's what you get when you misuse what I invent. Your empire falls and you lose every cent. But trying to blow up a scrub. Now that thought is just as bright as a 20-watt light bulb. Should've pumped it when I rocked it. Niggas so stingy, they got short arms and deep pockets. This goes on in some companies with majors that scared to death the punk knees. First of all, who's your A&R? A mountain climber who plays an electric guitar. But he don't know the meaning of dope when he's looking for a suit and tie rap that's cleaner than a bar soap. And I'm the dirtiest thing in sight. Matter of fact, bring out the girls and let's have a mud fight. La radio cacaille dans la casse, c'est Radio Croco. Mm-hmm.